Radio. Radio. Tous les soirs. Prenez la parole. 01 42 48 5000. Love in fun. Avec le doc, Karel et Karim. Karel, je serai pas là encore ce soir là, je suis encore malade les amis. J'ai quand même réservé à Mickaël une petite surprise. J'ai mis mes microbes dans un petit gobelet que je ne manquerai pas de lui apporter dès demain. Et je remercie encore le doc qui est médecin, qui n'avait pas vu que j'étais malade. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Ciao. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h20. Et des microbes. Sur Fun Radio. Ouais. Alors pour c'est bien avec Karel parce que c'est oui je viendrai demain, mais n'avait pas-t-il dit ça hier? Je crois, oui. Parce que hier soir, me semble-t-il, en fin d'émission, c'était ouais mais je serai là demain, pas de problème. Résultat, j'attends toujours les microbes. Ouais, enfin, il paraît qu'il y a la tête qui tourne, mais oui, ah, mais écoute, je sais pas, hein, peut-être qu'il a fait trop de trucs bizarres cette nuit, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y a plus d'eau dans le corps. C'est possible. Oh, je sais pas, oui. Bah, c'est normal. Possible. Il est tout déshydraté, Karel. Oh, le pauvre. Bon, en tout cas, c'est Love in Fun. Soyez toutes et tous les bienvenus. 20h-23h tous les soirs avec le Doc qui est avec nous en pleine forme. Ouais, tout et à lui, fait. Il s'est mis sa petite écharpe là, il s'est mis bien. Ah, il est beau gosse, hein. Il s'est mis en mode BG là. Ouais, pas toujours. Pas mal, mais pas mal. Toujours une écharpe. Moi. Ah ouais, je crois qu'il va dire je suis toujours BG. Aussi. Karima qui est là également en pleine forme. Bonsoir à tous. Ça va très bien, merci. Et toi, Mickaël, merci d'être encore avec nous. Bah, avec plaisir, pas de problème. Et puis on est tous là évidemment avec vous jusqu'à 23h. Si vous voulez nous appeler, si vous avez un problème, si vous voulez poser des questions au doc, n'hésitez pas. Aucune question n'est débile, hein. Vous pouvez venir la poser, il n'y a aucun problème. Et puis si jamais vous avez peur qu'on vous reconnaisse, si c'est des questions un peu particulières, vous pouvez bien sûr changer votre nom, votre ville, votre âge, changer ce que vous voulez. Si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse, il n'y a aucun problème. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000. Le Facebook et le Twitter également, tapez Love in Fun pour venir nous rejoindre. C'est Karima qui regarde tous vos messages. Exactement, on gère tout, les questions pour le doc, si vous voulez qui se lui fait parler. Surtout. Des photos assez sympathiques me sont envoyées chaque jour, merci beaucoup. Bah écoute, avec plaisir, hein, c'est pas un problème. On aura Rémi également, qui est déjà avec nous d'ailleurs. Hein. Rémi, 23 ans d'Annecy. Bonsoir Rémi. Salut. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bah ça va, impeccable, et vous? Bah écoute, ça va tranquillement, hein, car il est toujours malade, il a toujours la gastro. Normalement, il devrait revenir demain, on verra bien. On parlera de quoi avec toi, Rémi? Bah en fait, mon problème, c'est je n'ai plus envie de revoir les filles avec qui j'ai fait l'amour. Ah oui. Alors, une fois que t'as couché avec elle, t'as plus envie. Voilà, ouais. C'est normal. Bon, on en parle dans quelques minutes, Rémi. Oui. Mais oui, il y a Hector également qui est avec nous là. Bonsoir Hector. Salut. Comment Salut. Ça va, Quimper? Tranquille. Bon, tant mieux. On parle de quoi dans un instant avec toi, Hector? Alors, moi je me suis fait choper en classe de techno parce que j'étais branlé en classe et voilà. Ah oui. Oh bah oui, c'est un endroit parfait pour faire. Mais il y a un moment où quand on se fait chier en classe, plutôt que de parler avec le voisin, bah autant faire un truc qui dérange personne. La voisine qui va sûrement se reconnaître d'ailleurs. Ah la voisine, d'accord. Oh, bon, on en c'est parle bien arrivé avec un magistrat en pleine séance. Mais oui, mais voilà, il s'ennuie, qu'est-ce que tu veux. Bon Hector, reste avec nous, on en parle dans quelques minutes. En l'occurrence, si comme Hector ou comme Rémi, ça vous est déjà arrivé là, Rémi qui n'a plus envie de voir les meufs avec qui il a déjà fait l'amour, et puis Hector qui s'est fait choper en train de se branler en cours, eh bien n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000. Et là, on va commencer Love in Fun avec Quentin qui est avec nous de Toulouse. Bonsoir Quentin. Salut à tous. Comment Salut, ça va? Salut Quentin. Bah bien, et vous? Bon, eh ben oui, tranquille. Hein. Quentin, 21 ans, 105.9 pour écouter Fun Radio à Toulouse, la ville rose. C'est ça. Bon, très bien Quentin, qu'est-ce qui t'arrive? Donc en fait, j'ai un problème. J'ai préféré casser avec une meuf parce qu'elle avait un plan cul et qu'elle voyait toutes les deux semaines. Son plan cul est à Montpellier. Et toutes les deux semaines, elle va le voir. C'est son meilleur ami. Et ils couchent ensemble de temps en temps. Et donc elle te trompait quoi? Non, en fait, on n'était pas encore ensemble. On allait se mettre ensemble. Ouais. Elle voulait se mettre avec moi. Sauf qu'elle m'a parlé de ce mec-là. Et toutes les deux semaines, elle passe un week-end chez son meilleur ami. Elle couche de temps en temps. C'est ce qu'on appelle un fuck friend. Non, mais d'accord. Ouais. Oui. Elle t'a quand même pas demandé de continuer avec lui et avec toi en même temps, si? Non, mais moi, j'ai pas voulu prendre le risque de sortir avec elle 2-3 mois, de m'attacher à elle, d'être amoureux d'elle. Ça te gênait qu'elle ait un autre partenaire que toi? Bah, ce qui me gênait, c'est qu'elle allait passer un week-end sur deux avec lui. Oui, c'est pas grave, à partir du moment où vous n'étiez pas ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, en quoi ça te gênait? Ça veut dire que toi, t'étais déjà attaché à elle. On voulait se mettre ensemble, moi et elle, on était ok, on voulait faire une vraie histoire, sérieuse, sauf que elle voulait aller voir ce mec-là toutes les deux semaines. Ah, mais pas s'en empêcher. Elle pouvait pas s'en empêcher. D'accord, ok, donc en fait, elle allait être trompée, donc oui, mais ça c'est normal, alors ça t'a bien fait de la virer. Non, elle allait pas me tromper, elle m'a dit qu'elle allait rester fidèle, mais je pouvais pas lui faire confiance à 100%. Au moins, j'aurais été à sa place. C'est bien ça. Si c'est un bon plan pour la fille. Alors écoute, je serai fidèle, mais malgré tout, tu ne peux pas me faire confiance à 100%. Je suis fidèle du lundi au vendredi. Voilà, c'est ça. Le samedi et dimanche, je vais à Montpellier. Voilà, une fois sur deux. Et Quentin, est-ce que tu regrettes? Bah oui, un peu, parce qu'elle me plaisait vraiment. Ah, parce qu'elle était physiquement agréable. Et bah, tu te dis que son caractère était bien. Ouais, et tu te dis toi-même qu'avec ton physique, tu te trouveras difficilement mieux. Oh. Non, je sais pas, moi j'ai pas vu, je pose des questions. Mais je sais pas, je demande. Ah, attends, c'est vrai, une fois que tu tombes sur une meuf qui est super bien, bah tu sais jamais ce que t'auras après, hein. Non, mais dans un sens, il a raison. Si après il a peur de passer pour le dindon de la farce, il a raison de partir avant. Quentin, j'ai dindon de la farce. Oui, oui, j'ai quand même. Expression de 1982. Ouais, oui. J'ai quand même l'impression que t'as confiance en toi, Quentin. Oui. Oui, donc c'est ça le plus important. Non, mais attends, si tu sens pas l'affaire, tu le fais pas. T'es amoureux d'elle, ça va durer un mois, et au bout d'un mois, tu vas l'oublier, c'est clair. Mais tu vas rencontrer une nouvelle, et puis tu vas voir, ça va être la folie totale. Elle va dire qu'elle a deux fake friends. C'est un peu triste quand même, parce que on voulait se mettre ensemble tous les deux, mais qu'elle, elle pouvait pas s'empêcher d'aller voir ce mec-là. Mais tu vas faire quoi? Tu vas souffrir pour elle? Autant arrêter avant, justement. Moi, je trouve vraiment, avec mon point de vue féminin, que t'as pris la bonne décision. J'aurais été dans ta situation, j'aurais fait exactement la même chose. Non. On arrête alors, avant si de souffrir. Permettre, dans sa situation, j'aurais dit, écoute, ok, je comprends. Alors, tu prends le premier et le troisième week-end, je prends le deuxième et le quatrième. Non, mais tant qu'à faire. Oui, mais tu si vois, tu autant essayer. Ça oui, mais après, non, tu te détaches. Il est attaché, donc il est un peu. T'es jaloux un peu, Quentin, de nature. Un peu, ouais. Oui, donc ça, c'est sûr, c'est un handicap. En même temps, t'as pas envie de partager. Mais tout le monde aurait été jaloux. Attends, je te dis simplement, voilà, c'est tout, t'es comme ça. Et t'es pas le seul. Vous êtes la majorité des mecs sont comme toi et la majorité des filles sont comme toi. Donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est tout. Il faut pas que tu restes sur des regrets parce qu'effectivement, tu aurais peut-être plus souffert en étant avec elle. T'as essayé, c'est fait, hein. Tu tombes encore plus amoureux d'elle, elle se barre tous les week-ends, tous les 15 jours. Tu vas pas lui dire non. Donc toi, tu vas passer des week-ends horribles. T'imaginer le pire qu'elle fait peut-être pas d'ailleurs. Des scènes qui vont te faire souffrir. C'est pas la peine. Ça, actuellement, elle est peut-être en train d'ailleurs de lui tailler une bonne. Tu vois, on pense pas. Ah, tu penses. Bon, on sait jamais. Après, elle a peut-être trouvé un nouveau fuckfriend de la semaine. Alors, il y a aussi une autre solution. Est-ce qu'elle revient vers toi? Est-ce qu'elle est revenue vers toi? Non, mais c'est hier, je l'ai appelé. Et je savais plus quoi faire, ça me prenait trop la tête et je lui ai dit je te laisse prendre la décision entre nous, soit en gros quitter son plan cul et me rejoindre, soit qu'on arrête. Et une heure après je lui ai envoyé un texto comme quoi je lui ai dit que je préférais qu'on aille pas plus loin et elle m'a répondu comme tu veux. Eh ben écoute, t'as bien fait. Oui. Donc, si elle se bat pas pour te garder, c'est que déjà le plan, tu vois, il est un peu foireux. Alors, deux solutions. Soit effectivement, elle a rien à foutre, elle se dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, je continue. Soit elle espère que tu reviennes, mais comme tu vas pas donner de nouvelles, du coup, la meuf dans sa tête va se dire au final, pourquoi il donne plus de nouvelles? Pourquoi il donne plus de nouvelles? Non, et elle va te renvoyer un message. Oui, c'est toi qui donnais les nouvelles, mais t'inquiète pas, si elle tient à toi, elle te redonnera des nouvelles en ayant probablement changé d'avis. Et sinon, c'est que t'as rien perdu. T'as rien perdu, Quentin. C'était pas la au contraire, bonne. Et elle allait se jouer de toi, donc t'as bien fait de te barrer. Tu trouveras une nouvelle. Bon, tiens-nous au courant, Quentin. Si jamais elle rappelle, tu nous tiens au jus, d'accord? Oui, c'est cool. Bon, salut Quentin, bonne soirée à toi, à bientôt. Courage, Quentin. Merci, ciao. À bientôt. Ciao. On va récupérer Rémi et Hector dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis on va également se faire le son d'Eminem. Mais Rihanna maintenant au cœur d'une heure sans pub, c'est Love in Fun. Si vous voulez nous appeler, le doc est là, évidemment. Si vous avez toutes vos questions, jusqu'à 23h, il est là en pleine forme avec sa belle écharpe. 01 42 48 5000, le son d'Eminem. Mais Rihanna maintenant, c'est The Monster sur Fun Radio. Bonne soirée. I'm friends with the monster, the son of my bed. Le son de Rihanna, Eminem, c'était de Monster. Jusqu'à 23h. Prenez la parole sur Fun Radio. Et pour prendre la parole, un seul numéro, que vous soyez en France, 01 42 48 5000. N'hésitez pas à téléphoner, il n'y a pas de problème. Il y a Lilou, il y a Ludo qui sont au standard. Allez-y un peu, parce que j'ai l'impression qu'elle s'ennuie un peu, Lilou, là. Elle pense à son mec, là, qui est en train de se taper une autre, enfin une histoire. Bon, 01 42 48 5000, n'hésitez pas. Le doc est avec nous, Kariba. Comment? T'as balancé, alors? Bah oui, il y a un moment, faut que ça se sache, hein. En plus, il est animateur sur une autre radio et tout, il se la ramène. Il y a eu des bruits de couloir comme ça, j'ai vu sur Twitter qu'apparemment son mec se tapait d'autres filles. Enfin bon, je suis pas là pour balancer. Ce n'est Lilou, pas mon taf. On va parler pendant la pub, toi. Je t'explique, mon mec, c'est le Doc, donc Doc, faut qu'on parle, en fait. Allez, oh là là, cette façade. Bon, Hector est avec nous. Salut, Hector. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Bon, salut. Ça a l'air, Hector. Alors, t'appelles de Quimper, comme on disait tout à l'heure, et qu'est-ce qui t'amène? Putain, il y a une voiture qui passe, ça freine deux secondes. Oui, bah vas-y, bah, il y en aura deux, hein, des voitures qui passent. Tu vas voir, hein. Oh, tu fais un beau bruit de voiture qui passe. Ou alors elle était vraiment malade, la voiture. Hector, dans la voiture. Quoi. Ouais. Non, parce qu'on aurait eu des odeurs un peu oui, délicates. Mais bon, ouais, qu'est-ce qui te t'amène, Hector? Parce que, genre, j'étais en techno et je me faisais chier, du coup, je suis allé me branler en classe. Et, devant la prof, ou le prof. Dans les chiottes, voilà. Ah, t'es allé demander dans les chiottes. Oh, aux toilettes. Oh, moi je croyais que t'étais au fond de la classe, moi. Bah oui, je pensais que t'étais un vrai mec, t'avais fait ça vraiment dans la classe. Discrètement, ah, non, pas forcément en sortant l'engin. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, alors? Bah, du coup, j'avais mis un peu de temps, et le prof, c'est un peu un maniaco, je sais pas quoi. Et du coup, il est arrivé dans les chiottes, il crie, ouais, Victor, tu sais quoi et tout, là, je sors des chiottes tout rouges. Et, bah, tu vois. Comment? Hector? Hector? Et quoi, oui. Et du coup, le prof, il me fait, ouais, tu fais quoi, là, t'es en train de branler et tout, ou quoi, et genre, j'entre en classe, du coup, avec le prof. Et le prof, il était tout en train de dire, ouais, tu t'es branlé ou quoi, nanani, nanani. Devant tout le monde. En classe, et... Ah oui, t'as collé la honte, oui. Oui, mais attends, hey, Hector, en même temps, c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que t'as le prof qui arrive dans les chiottes, qui te fait sortir et qui capte que tu t'étais branlé? C'est-à-dire que tu pouvais, ouais, pas te fermer, tu pouvais pas fermer ton pantalon et dire, bah, j'étais en train de pisser, en fait, quel est le problème? Non, mais je suis resté voire même de faire autre chose. Oui, oui, après tu peux faire autre c'est chose. Pour ça que t'es rouge. Hein, Hector, t'es pas en train de te foutre de nous là? Non. T'es sûr? Hector, tu pues le fake. Exactement, oui. Tu pues le gars qui voulait faire un truc mais qui a eu peur en fait de parler à la radio et qui s'en mêle les pinceaux. Ouais, dis-moi, Hector, est-ce que t'as autre chose à nous dire? Une autre question qui te préoccupe, je sais pas. Un vrai truc, vas-y. Tu vois. Allez, on te laisse une deuxième option, on est sympa. C'est dégueulasse. Je suis pas dégueulasse, je sens quand c'est faux, je sens quand on me ment. Hector, c'est pas grave. T'as le droit en plus, c'est marrant, pourquoi pas, elle est censée le reconnaître, c'est pas pour ça qu'on va te jeter, oui, je suis sûr. Regarde, on est cool, Hector, on est là. Vas-y. Et on te propose de poser une autre question si tu t'en poses vraiment une. Vas-y. Un vrai truc, sincère et honnête, vas-y. Bon, pas vraiment un truc à dire, mais... Ah, t'as rien. D'accord, à dire, en fait. Donc t'as rien à dire. Bah, Hector, tu voulais passer, tu sais, à la radio? Tu vas te retrouver au milieu de la cour de récré, Karima va venir te donner des claques sur les fesses, cul nu, ouais, bien sûr. Hein. Bien sûr. Évidemment. Ah oui, non, je vois ce que tu veux dire, Karima. Ouais. Il risque de kiffer. Ouais, c'est ça, ouais. Alors... La punition ne sera pas assez grande. Ouais, je lui enverrai Karel avec la gastro. Hector, voilà. C'est sans rancune, Hector. Mais oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, allez. Hector. Tu reviens quand tu veux, mais pas trop vite, Hector, avec une nouvelle histoire. Ok? Ouais. Allez, on te laisse le temps d'en inventer une. Salut, Hector. Bisous. Ciao, salut. Hector. Bye bye. Bon, si vous voulez, vous aussi, si vous avez un vrai problème, en revanche, n'hésitez pas, hein, 01 42 48 5000. Appelez-nous maintenant. Le doc est avec nous. On est là jusqu'à 23h. J'avais dit qu'on allait avoir Rémi également. Rémi est là? Oui. Ah, allô. Très bien. Alors, Rémi, est-ce que toi aussi tu t'es branlé en cours? Enfin, dans les chiottes d'école, non? Non. Non, jamais? Bon, écoute, ça va me voilà rassurer. Karima, peut-être, non? Non. Jamais non plus? Jamais. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bon, Rémi, on parle de quoi avec toi? En fait, allô? Oui, j'essayais de voir de quoi on allait parler avec toi. J'ai un petit souci, c'est avec toutes les nanas que je suis sorti. Ouais. Après, je suis obligé de les larguer, je vois leurs défauts, tout ça, et ça m'énerve. D'accord. Ouais, c'est un peu comme une voiture, on en parle dans un instant, Rémi, bouge pas. Après, David Guetta, le nouveau, c'est Shut Me Down. I was 5 and he was 6. Le nouveau son de David Guetta découvert sur Fun Radio, c'était Shut Me Down. Avec le doc, Mickaël et Karima. 20h-23h sur Fun Radio. Oui, parce que Karel évidemment est toujours malade. Donc c'est pas grave, on est là quand même. Le doc est en pleine forme, Karima est là également. Et puis vous nous appelez 01 42 48 5000 si vous voulez parler avec nous, si vous voulez parler au doc, n'hésitez pas. Et avant de reprendre Rémi comme promis, eh bien il y a Karima qui va nous faire un plan cuisine. Bah oui, non mais c'est un truc incroyable. Je suis tombée sur une étude incroyable. Je voulais vraiment en parler avec vous. Surtout vous messieurs qui nous écoutez, vous allez être vraiment contents. Est-ce que vous connaissez les bienfaits du sperme sur la santé des femmes? Mais bien sûr, évidemment. On en a parlé, figure-toi, dans l'émission, cette magnifique émission qui suit la vôtre, qui est une grande émission de radio. On en avait déjà parlé, donc voilà. Alors quels sont-ils les bienfaits? Ah bah alors tu déjà, par exemple, pour la peau, c'est bon pour la peau. Ça permet d'éviter les rides. Ça ralentit le vieillissement de la peau. Voilà, donc si on peut rendre service, nous, après. Ça peut être également un véritable antidépresseur. Voilà, donc ouais. C'est tout bon, quoi. Et ça ferait même perdre du poids. Ouais. Je mets en doute. Et Doc est d'accord, voilà. Je mets totalement. Ouais, c'est ce que je disais. Donc en fait, Doc est d'accord. C'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je mets totalement en doute ces études qui sont frelatées. D'abord, je vous rappelle qu'un éjaculat, c'est 3,5 millilitres. Déjà, pour se mettre sur le visage, il faut faire vite. Et puis, on sait exactement ce que cela contient. Donc voilà, du fructose. Oh, mais apparemment, il n'y a que 15 à 30 calories. Oui, il y a moins dans le coca, tu vois. Sur le visage, quelles que soient les calories, ça ne fait pas grossir. Ah, je ne parle pas du visage. Oui. Ah, à manger. Ah, bah oui, bah, le sperme ne ferait pas prendre de poids. Donc, du coup, je pense à ceux qui avalent, tout simplement. Avant de bouffer 2 litres de sperme, il faudra faire beaucoup. Hein. Karima, tu es une belle. En ce moment, ouais, je suis pas mal. Hein. 3,5 millilitres. Attends, ça va, c'est bon, quoi. Oui. Bah alors ça, moi je me demande ce que les auditeurs en pensent du bienfait du sperme sur la santé de tout le monde. Donc allez-y, appelez-nous si vous savez déjà. C'est intéressant, je te dis, parce que c'est un truc de... Tu sais, il y a genre des films porno, l'éjaculation faciale, donc toujours la même histoire, il s'agit de trouver une légitimité au fait d'eux. Tu dis qu'il y a 3,5, mais dans les films porno, ils mettent autre chose. C'est-à-dire que le mec, concentré sucré. C'est les chutes du Niagara. Tu te dis, attends, c'est pas possible, le mec, c'est improbable. Si, c'est connu. C'est du lait concentré sucré. C'est pour ça que les meufs, elles kiffent. Oh, c'est super bon. Ah, bah oui. C'est la même couleur. Ouais. Tu verras, c'est la même couleur. C'est, oui, ouais. C'est clair. Ouais. Bon, Rémi est avec nous. Bah, appelez-nous, hein, si vous voulez réagir au petit sujet de Karima. De savoir ce que vous en pensez. Ah, bah oui, c'est hyper intéressant. Les filles, n'hésitez pas. D'ailleurs, je les garçons aussi. Je fais encore une petite parenthèse. J'étais tombé sur une meuf un jour qui avait elle faisait une tête bizarre. Je lui dis, mais t'es pas obligé, hein, je m'en fous. Ah bon? Et en fait, son mec lui avait dit que s'il faisait pas ça, le mec ne sentait rien. Et donc, je dis, putain, t'as été vraiment bien naïf, toi. Hein. Ah, y a des mecs, c'est vraiment des connards. Il y en aurait d'autres qui auraient dit, t'as été bien élevé, mais bon. Bah non, mais ouais. Mais voilà, c'est juste qu'il y a un moment pour le mec, ça change que dalle, quoi. Enfin, je pense, en tout cas. Mais... En tout cas, appelez-nous, réagissez à ça. Voilà, bon, Rémi. Rémi? Rémi qui est avec nous d'Annecy. Oui. Ça va bien? Oui, ça va, vous? Bah oui, très bien, on est en pleine forme et on est au cœur du Nord sans pub en plus, donc ça c'est cool. Il y aura Dimitri Vegas que je vous passerai tout à l'heure dans le VinFun. Rémi, toi tu nous appelles de Nancy, comme je le disais, et t'as plus envie de voir les meufs avec qui t'as déjà fait l'amour. C'est-à-dire qu'une fois que t'as couché avec elle, après c'est fini, t'arrêtes. Voilà. T'es bien un mec, toi. Ouais. Et pourquoi alors, pas t'en as combien? Par exemple, on va dire le bilan 2013. Allez. 2013, sincèrement, c'est pas pour me la péter, mais je suis sorti avec. 4 meufs, avec les 4 meufs, j'ai fait ce que je devais faire et après je les ai fait. C'est quoi ce que tu devais faire? Jacques Facial? Non, en fait, j'ai fait l'amour et ça me dégoûte après. Bah, je vois leurs défauts, tout ça. Ça te dégoûte ou ça t'intéresse plus? Pas la même chose. Oui, parce que Rémi est parfait. Hein, parce que le dégoût, il y a que les filles qui ont les défauts. Rémi, la question importante dans ces 4 filles, quelle est celle ou est-ce qu'il y en a une dont tu étais vraiment amoureux ou pas? Est-ce que tu as des sentiments pour ces filles ou simplement des plans comme ça? Non, t'avais pas de sentiments. Parce que tu sais, l'intimité du sexe, tout ce que vous partagez, il faut aimer l'autre, parce que sinon, à un moment donné, effectivement, c'est même fait pour, parce que cette intimité ne peut pas. Est-ce que tu peux arrêter de renifler dans ton téléphone, Rémi, s'il te plaît? Je ne sais pas où il est actuellement, ton téléphone, mais il va descendre un peu. Va te moucher, s'il te plaît. Pardon. Mon téléphone, il est en mode normal, c'est vous. Non, mais tu respires dans le micro, je pense. Mais c'est pas grave, vas-y, Rémi. Bon, voilà, donc c'est tout. C'est un peu l'histoire. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit dramatique. Simplement, je peux comprendre tout à fait. Surtout, et quand même, quand tu couches avec elle avant d'avoir l'orgasme, ça ne te dégoûtait pas trop. Non, mais en fait. Non, mais c'est après, à la fin, évidemment. Quand le mec a plus d'énergie, qu'il a tout vidé, ben, d'un seul coup, ça le dégoûte. Le dégoût s'installe au bout de combien de temps, Rémi? Ah bah dès après la chose. En fait, honnêtement, le lendemain, quand je la vois, je peux plus me libérer, la nana. Je peux pas la voir. Mais parce que t'es pas amoureux. C'est quoi le déclic? C'est quoi? C'est tu te dis elle a une sale gueule? C'est quoi? Non, là, ça fait maintenant 4 mois. Je suis avec une nana. Elle s'appelle Amélie. Elle a 22 ans. Mmh. Et en fait, ça fait 4 mois que je n'en peux plus, en fait. Ouais. 4 mois, c'est bien. Mais non, c'est pas ça. Ça dure déjà. Et ça fait 4 mois, je suis avec une nouvelle nana, mais là, j'ose pas le faire avec elle, parce que je sais que. Attends, je peux le faire avec elle. Non, mais est-ce que tu. Je sais que je vais la larguer, c'est pour ça que je vous demande un coup de main. Rémi. C'est quoi ça, c'est non, que tu Rémi, larguer. Rémi, là, stop. Oui. T'arrêtes tout de suite. Il n'y avait pas 36 solutions. T'avais 4 mois, ça ne tient même pas la route ce que tu racontes. Parce que si t'es vraiment amoureux de la fille, t'as pas ce discours-là. Tu la traites pas comme ça. Alors, t'as le droit, tout à fait, pourquoi pas. Mais tu parles pas d'elle comme ça. Parce que franchement, je vais la larguer, machin. Alors, je peux te dire, je peux trouver 10 auditeurs qui appellent dans les 5 minutes et qui vont te dire que jamais tu parles. Une fille dont tu es amoureux comme ça. Je te le dis comme ça, après tu fais ce que tu veux, ok? Et tu sais, Rémi, peut-être que c'est elle qui va te jeter. Ah, c'est bien possible, ça se trouve, t'as un mauvais coup. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Hop, dégage. C'est-à-dire que tu te dis, je vais pas coucher avec elle parce qu'après, elle va me dégoûter, je vais la larguer, mais peut-être qu'elle, tu vas la saouler avant. Tu vois ce que je veux dire? Il faut laisser une chance à quelqu'un de la découvrir. Non, mais c'est en fait, c'est pas que ils sont moches ou pas. Toutes les nanas que je suis sorties, ils sont super belles. Après, mais elles te dégoûtent. C'est après, ce que tu j'ai nous toujours dit. Des sentiments. Non, j'ai des sentiments, bien sûr. Là, ça fait trois mois, je suis avec ma copine. Là, elle est à côté de moi. C'est pour ça qu'on vous appelle pour vous demander. Tu peux nous la passer? Tu peux nous la passer? On veut bien lui parler. Ouais. Ouais, parler. Amélie, c'est ça? Oui, Amélie. Ouais, parce qu'en fait, tu peux avoir. En fait, il a la sensation, mais sur le long terme, que t'as en tant que mec, quand tu viens de finir avec ta copine, oui, bonsoir. T'as plus bonsoir. Envie, quoi. C'est ça. Bonsoir, voilà. Amélie. Ça revient. Amélie. Bonsoir. Bonsoir, alors, Amélie. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, ça va bien. Alors, bientôt célibataire? Bah, je sais pas encore. C'est juste. Amélie. On demande à Ned. Mais oui. T'es avec Rémi, d'accord? Tu es très ouais, amoureuse de lui. Ça fait 4 mois que je suis avec lui. 4 mois, d'accord. Et vous n'avez pas eu de relation sexuelle aucune? Pardon? Vous n'avez pas eu de relation sexuelle? Non, pas encore. Pas encore. Parce que je connais son problème et j'ai peur s'il couche avec moi, il va me larguer. Ouais. Bah, c'est parce qu'il l'a fait auparavant. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de garçons, tu sais, il y a beaucoup de relations qui se passent comme ça. Puis un jour ou l'autre, tu tombes sur vraiment quelqu'un, sur vraiment dont tu es vraiment amoureux. Tu as des vrais sentiments et là, ça se passe. Bah, c'est justement, on est amoureux là. Ça fait non, mais attends. Mois, mais alors, pourquoi avoir peur s'il est vraiment, tu sais, amoureux, c'est bien. Aimer, c'est encore autre chose. Et quand tu aimes quelqu'un, avoir quelqu'un, comme on dit, dans la peau, c'est quelque chose qui est très fort. Et ça, évidemment, les petits détails physiques de la vie quotidienne qui peuvent rebuter, parce que si tu vois ça chez quelqu'un d'autre, tu vas dire c'est dégueulasse. Quand tu aimes quelqu'un, d'un seul coup, ça l'est plus. C'est comme les odeurs. Les gens qui disent non, je supporte pas quelqu'un parce qu'il sent mauvais, c'est simplement non, parce qu'il sent. Non, mais pas pour lui. Non, non, bien sûr que ça a à voir. Attendez, monsieur, ça n'a rien à voir. Vas-y, ça n'a rien à voir pour moi. Oui. Oui. Et on est vraiment amoureux. Eh bien alors, pourquoi? Qu'est-ce que craignez-vous? J'ai peur en fait, parce que je connais sa maladie, il est déjà parti voir un docteur et tout ça. Et je suis allée avec lui et tout ça. Le docteur, il ne peut rien faire. Mais bien sûr qu'il ne peut rien faire. Qu'est-ce que il n'est pas malade. Non mais, c'est pas une maladie. Non, il n'est pas malade. Amélie. Lui, il est beau, je suis super belle aussi. Amélie. Quand on aime quelqu'un, on aime quelqu'un. Et on ne moi, je suis amoureuse, pas. Mais je n'ai pas envie qu'il me le largue. Ben, bien sûr, bien évidemment. Mais tu vas pas rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Alors, vous pouvez rester ensemble sans relation sexuelle. C'est pour ça qu'on demande à l'aide, en fait. Ah ben, l'aide, c'est très simple. C'est que je peux pas savoir si vous vous aimerez encore dans 6 mois, parce qu'on peut jamais savoir. Quand on partage, quand on est avec quelqu'un, on partage l'intimité, ça va de plus en plus fort. Effectivement, à un moment donné, il y a une véritable osmose qui se passe, une véritable chose forte qui se passe, et où les petits détails de la vie quotidienne, ce qu'il nous a décrit, ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, ne compte plus. Mais quand tu n'as pas les vrais sentiments, quand tu penses que tu es amoureux, puis finalement tu ne l'es pas, c'est parce qu'il n'arrive pas à se fixer. Faut pas porter l'attention sur les petits détails physiques qui fait que les filles le dégoûteraient. C'est autre chose qui se passe dans sa tête, il n'arrive pas à se fixer, et ça c'est sûr que c'est un psychothérapeute. Ouais. Non mais attends, si c'est compliqué, c'est un psychothérapeute qu'il faut qu'il y voit. Mais après, je ne sais pas si c'est dans sa tête ou un c'est dans sa tête, mais il faut aussi apprendre à arrêter de comparer avec les précédentes relations. Ouais. Essayez. Fais tout, je suis là, je lui donne que des caresses, des bisous, je suis là tout le temps avec lui. Tu veux que je fasse quoi? Mais rien, fais-lui l'amour, mais tu sais, c'est marrant parce que. Fais l'amour avec lui, tu verras ce qui se passera, tu vas pas te retenir de toute façon. Ce qui est marrant d'habitude, c'est que les mecs. Ce qui est marrant d'habitude, c'est que c'est qu'en général, les mecs disent si tu couches pas avec moi, je te quitte. Lui, c'est l'inverse, couche pas avec moi, sinon je vais te quitter, donc tu vois. Voilà, bon. En tout cas, c'est ça. Et si vraiment il a ce problème, ce blocage que tu décris, effectivement, c'est un problème psychologique qui est son histoire, qui est enfoui dans son inconscient et qui fait qu'à un moment donné, il y a une espèce de rejet. Si vraiment ça lui pose des problèmes, si vraiment il est amoureux de toi et que ça casse tout, alors là, c'est un bon psychothérapeute. Un peu qu'il doit avoir. En tout cas, essayez, tenez-nous au courant. Il est grave amoureux de moi. Eh ben, je te dis pas le contraire. Alors profitez. Profitez-en. Mais il a peur. Oui. Moi, je vais pas dire que je suis grosse, je suis moche. Mais non, mais le problème n'est pas là. C'est pas un problème physique, on l'a bien compris, Amélie, ça. C'est vous avez peur de ce qui va se passer après avoir couché ensemble. Mais arrêtez de focaliser sur des choses qu'il a fait auparavant. Essayez de vivre votre amour tranquillement. Plus, s'il t'aime réellement, il n'y a pas de raison pour qu'il te largue. Et justement, peut-être que c'est toi, Amélie, au final, qui va le sauver. Qui sait? Voilà. Et puis, sinon, t'inquiète pas, Amélie. J'ai deux numéros de téléphone de mec, je te retourne, il n'y a pas de problème. Une relation amoureuse, c'est toujours des risques. On prend toujours des risques. Complètement. Ne pas vouloir prendre de risques, on ne fait rien. Exactement. Amélie, je te fais des gros bisous et embrasse Rémi également. Salut à vous deux, à bientôt, je vous repasse au standard sans problème. 01 42 48 5000, on aura Anthony dans quelques minutes. Salut Anthony. Salut. Salut. Comment Salut. Ça va? Bon, Anthony de Rochefort, on parle de quoi dans quelques minutes, Anthony? Alors, l'épreuve de Murésie. De quoi? Il pisse au lit. D'accord, ok, très bien. Je suis un peu con, tu utilises des mots compliqués. Donc, Anthony, après, comment tu veux que je m'en sorte? Bon, reste avec nous, Anthony. C'est Love in Fun. On est jusqu'à 23h, toujours au cœur d'une heure sans pub. Le doc Arima, on est tous là. Oui. Et puis, c'est Dimitri Vegas qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. C'est Stampede. C'était Dimitri Vegas avec Stampede sur Fun. Love in Fun. Love in Fun. Tous les soirs, 0 à 42 48 5000 sur Fun Radio. Et on est en direct jusqu'à 23h avec le doc, avec Karima et avec Karel qui est sur ses chiottes évidemment, puisqu'il est malade, il a toujours la gastro. Donc je le remplace jusqu'à 23h et je vous retrouverai bien sûr après en direct pour Mickaël No Limite de 23h à 2h du mat. Pour nous joindre, eh bien, seul numéro 0 42 48 5000 et puis Twitter et Facebook, tapez Love in Fun pour venir nous rejoindre, pour venir parler en fait avec tous ceux qui sont là et surtout avec Karima qui reçoit plein de photos de membres turgescents. Vous kiffez, hein? Bah, nous pas, mais toi, oui, apparemment. Hein, donc, bon, bah, continuez, a priori. Hein, continuez. C'est gentil, ça, en tout cas. Merci pour vos messages et vos photos. Tu m'étonnes. Bon, comme on est dans le domaine, justement, parlons du grand sujet de Karima, hein, le sperme. Bah oui, voilà. Et surtout les bienfaits du sperme. Alors je vais en discuter avec le doc, mais oui, j'ai quelques... c'est très bien, effectivement, il faut continuer comme ça. J'ai quelques réactions sur le Facebook et je veux les partager avec vous. Il y a Stéphanie qui nous dit « Je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai maigri autant ». Je vous rappelle, l'un des bienfaits du sperme, ce serait que ça fait perdre du poids, tout simplement. Oui, je confirme. Un autre bienfait, il ralentit le vieillissement de la peau. Et tout un autre, un véritable antidépresseur. Alors doc, qu'est-ce que tu en penses de tout ça pour l'antidépresseur? Je suis complètement d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ces études qui sont effectivement complètement fratées, mais c'est tout à fait drôle, effectivement, c'est la vie. Alors l'histoire de maigrir, je pense quand une fille est très très amoureuse et qu'elle a pas mal de relations sexuelles, j'oublie un peu de se nourrir, donc ça fait maigrir. C'est plutôt cet effet-là. Cet exemple, mais le sperme qui fait maigrir, non, certainement pas. Bah, c'est placebo, quoi. Si t'as envie de maigrir avec ça, tu peux, mais oui, ça sera dans la tête. Mais bon, c'est vrai que ça fait partie du fantasme des mecs qui voudraient que le sperme ne soit autre chose que une graine, une petite graine que l'on met pour avoir un bébé. Alors, c'est pas une cigogne? Non. Oh non. Ah merde, putain, non. Je pensais... Walt Disney, ouais. Et donc, derrière tout ça, on voudra en faire qui est un aliment, qui est un produit de beauté, qui est un produit de je ne sais quoi. Mais tout ça, c'est frelaté, c'est complètement frelaté. C'est pas fait pour... Tu viens d'abord de casser le délire de combien de mecs, là, qui sont en train de travailler sur leur meuf depuis des semaines. Mais si, regarde, c'est bon. Prends ça dans la face. La meuf... Il y a Doc qui va confirmer. Et paf! La meuf, elle fait, tiens, tu vois. Ouais, c'est ça. Et hop, le sperme qui ralentit le vieillissement de la peau, Doc, t'en penses quoi? Oui, c'est totalement vrai. Je pense qu'il y a du fructose, des choses comme ça, mais bon. Apparemment, ils parlent dans l'étude de spermidine, une molécule qui ralentirait le vieillissement. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait le vieillissement? C'est surtout les ultraviolets qui cassent les fibres élastiques et qui font qu'on a beaucoup plus de rides. Les femmes qui sont exposées au soleil par leur métier dans la nature ont des rides très tôt et en grande quantité. Donc tout ça, c'est un peu n'importe quoi. C'est comme les crèmes anti-rides. Bon, je ne vais pas dire de conneries, mais enfin bref, bon. Et donc, bonne nouvelle pour ceux qui habitent dans le Nord. Hein, on ne s'est pas ridé rapidement. Ouais. Et le côté antidépresseur du sperme? Non, c'est faire l'amour. Et bien faire l'amour, c'est antidépresseur, oui. D'accord, mais le boire, non. Mais pas le boire. Voilà. Mais non. Mais c'est quoi cette étude? Bah, étude qui a été faite par Karima, a priori. Mais hein, non. Donc, non, c'est un institut sérieux qui l'a fait. Ah, d'accord, oui, ok. Bien sûr, ouais. Je pensais. D'accord. Bah, attends, on va prendre Jenny qui est avec nous. Salut, Jenny. Salut. Comment Salut. Ça va? Bah, ça va, et vous? Bon, écoute, ma foi, plutôt pas mal, Jenny. Alors, tu voulais réagir, toi, par rapport à ça? Cette grande étude? Ah bon? Ah, je pensais, autant pour moi. Bah, c'est pas grave, Jenny, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as déjà essayé, toi? Tu as quel âge? J'ai 20 ans, non? Parfait. Tu as déjà essayé ou pas? J'ai quoi? J'ai pas suivi. Ah bah c'est Karima qui présentait les bienfaits que... du sperme. Les bienfaits du sperme sur la santé des femmes. Est-ce que tous les matins, t'as mis du sperme sur ton visage pour traiter ta peau? Voilà. Non. Yumia, tu devrais... Je vais te donner de bonnes adresses. Je n'ai plus de mec de toute façon. Ah bah voilà, Jenny, le problème est résolu comme ça. Bon, au moins c'est résolu. On parlera de quoi avec toi, Jenny? Mon mec m'a lâché dimanche comme une merde avec mon gosse, voilà. Ah ouais, d'accord. Ok, bon, on va en parler dans quelques minutes. On va d'abord récupérer Anthony, j'avais promis qu'on le prendrait. Anthony de Rochefort. Ouais, en plus bon. De Boutonne. En plus, tu quoi? J'ai plus de Tenue Boutonne. C'est près de Rochefort, je pense. Ah, d'accord, voilà. Ok, je croyais qu'il disait en plus je déboutonne. Je me dis, non. Je me dis, ça y est, on parle de ça, l'autre il est déjà en train de s'astiquer. Je me dis, attends, il est complètement fou, lui. Bon, Anthony. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Anthony? Bah, comme je disais tout à l'heure, les problèmes de neurésie. Ouais, tu fais pipi au lit encore. Voilà, c'est encore. Bah, le problème, c'est le plus gros problème. Depuis ma naissance, c'est jamais arrêté. C'est, je dors, d'accord, je pisse et je sens rien. Tu sens rien. Mais tu sens donc, rien, c'est-à-dire que ça vient tout seul ou tu sens c'est rien? C'est ça, il peut pas se réveiller. Ça, ça te réveille pas. Voilà. Tu te réveilles le matin, t'es tout mouillé. Voilà. Et moi, ça m'est déjà arrivé un jour, je dormais, je rêvais que j'étais aux chiottes. Et puis, je me suis dit, C'est marrant, c'est bizarre. Pourquoi c'est chaud quand je pisse dans les chiottes, ça ne m'arrive jamais. Et puis là, tu te réveilles. Faut que t'arrêtes l'alcool. J'avais 9 ans, je crois, 9-10 ans. C'était hier. Et oui, bah bien sûr. Je rappelle, j'en ai 12. Et donc voilà, c'est arrivé comme ça. Bah, imagine pareil pour moi, mais depuis 20 ans. Ah oui, non, bah je préfère pas imaginer. Et qu'est-ce qu'on a fait pour toi? Est-ce que tu as vu un médecin? Est-ce que tu avais suivi des traitements? Oui, j'ai vu un médecin, un urologue, je crois, comme ça. Oui, d'accord. Il a rien prouvé. D'accord. Il dit que c'est mental, je ne sais pas trop quoi, mais je ne sais pas. J'ai beau faire Est-ce que tu dors très profondément? À mon avis, oui, mais sinon, je dors très peu. Non, mais attends, Anthony. 3 heures par nuit, quoi. D'accord. Ouais. Oui, mais 3 heures? Mais quand tu dors, tu pisses, hein. Oui, ouais. Mais que dors pas trop, alors. Parce que, alors là, ouais, tu m'étonnes. Si tu dors vraiment 3 heures, tu pisses avant d'aller dormir et tu pisses en te levant, ça m'étonnerait que tu pisses dans les 3 heures. C'est en général des gens qui ont un sommeil profond et prolongé. Bah, c'est le pur hasard, parce que parfois, ça peut être vraiment 5 minutes avant que je me réveille, ou dès que je m'endors, les 5 minutes qui suivent, ça peut être n'importe quand. Dis-moi, tu pisses toutes les nuits? Oui. Ah oui, d'accord. Bah, il faut essayer des petits moyens. C'est sûr que là, si tu dors vraiment que 3 heures, ça m'étonne, ça, un peu. Bah, ça dépend. Parfois, je dors 6 heures d'affilée. Parfois, je passe 2 nuits blanches d'affilée. Enfin, ça dépend, quoi. D'accord. Mm-hmm. Donc, déjà, t'as une bonne hygiène de vie, déjà, a priori. Voilà. Une meilleure hygiène de vie, ça va t'aider. Dormir régulièrement. Ta quantité de sommeil, ça peut être 5 heures, 6 heures, 7 heures, ça dépend des gens, 8, 9 heures pour certains, voire 12 même pour d'autres. Donc déjà, avoir une bonne hygiène de vie. Deuxièmement, ne plus boire d'eau après 5 heures du soir, mais plus une goutte, plus rien. Aller pisser régulièrement, se retenir dans la journée. Parce que, est-ce que dans la journée, t'as envie de pisser tout le temps? Oui, mais je me retiens maximum. Alors, mais est-ce que t'arrives à te retenir facilement ou quelquefois, t'y arrives pas? Quelquefois, j'y arrive pas, mais c'est vraiment quand c'est plein. Donc, ça veut dire que peut-être aussi, t'as des problèmes de contenance de vessie, et que donc il est important que tu apprennes à te retenir dans la journée. Il paraît que c'est mauvais aussi de se retenir. Non, ça dépend jusqu'où, mais non, du tout. Ah bon, je pensais. Non, et puis bien sûr, si tu dors 7-8 heures, et tu prends l'habitude de te réveiller en plein milieu pour aller pisser. Ah oui, ça me marche. Mettre un réveil. Pas pour vous contredire, hein. Mais j'ai essayé plein de solutions, on m'a dit de pas boire après 5 heures, mais pisser avant de dormir, enfin tout ça, bien qu'on m'avait dit, quoi. Je l'ai fait pendant un mois, rien n'a changé. Oui. Et le hic dans l'histoire, c'est que je suis un petit peu accro à l'eau, quoi. Je bois 6 litres d'eau par jour. Ah bah tu donnes des explications, il fallait commencer par ça, bah tu bois trop. Donc là t'es potomane, ok? Oui. C'est-à-dire que rappelle ce que c'est qu'un potomane, Doc? Un potomane, c'est quelqu'un qui adore les poteaux. Alors, qui boit beaucoup d'eau, des grandes quantités d'eau, alors que son organisme ne le demande pas. Parce qu'il y a parfois chez certains défauts d'hormones, ce qu'on appelle l'hormone antidiurétique, qui effectivement te permet de rattraper l'eau. Et là, quand tu manques de cette hormone, tu pisses, et t'es obligé de boire. Donc tu penses qu'Anthony, c'est ça? Non, il faut le rechercher, c'est la première chose à rechercher. Est-ce que tu as fait des examens pour rechercher ça? C'est pas le plus agréable, hein. C'est une sonde par l'entrée du urin. Non. je te demande, moi je te parle sérieusement. Est-ce que tu as fait des recherches pour rechercher ce qu'on appelle un diabète insipide? Non, tu sais pas. Non, j'ai vu le médecin, il m'a dit que c'était pas du tout ça. Si c'est pas ça. Bon, écoute, il faut que tu vois un psychothérapeute. Hein. Voilà, ça peut être pas mal ça. Parce que là, il faut que tu apprennes à plus boire. Une thérapie mentale, par exemple, pour t'aider justement à te déconditionner de ce besoin de boire alors que tu n'en as pas vraiment besoin. Puisque tu avais a priori, on a éliminé tout type de diabète, que ce soit sucré ou insipide, comme ça là, de ne pas être ça, je ne vois pas ce que tu peux faire d'autre, sinon une thérapie. Okay. Moi ça m'arrive parfois la nuit aussi, je me réveille, je dois épicer, j'ai tellement la flemme que. Non mais normalement. Je traîne, j'y vais pas, et puis après finalement. Moi je pose problème, je bois pas assez, je suis l'inverse du potomane. Oui. Quel que soit votre statut. Les adultes, à partir d'une certaine maturité, on se réveille, on a envie de pisser, on se réveille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est ça, quand tu as un sommeil trop profond, c'est ce problème chez les enfants. Mais c'est surtout que tu n'arrives plus à dormir sur le ventre, quoi. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Okay. Bon, Anthony, voilà, allez, fais tout ça. Très bien, bon, Anthony, tiens-nous au courant, Anthony. Ouais, j'ai une petite chose que je trouve ça bizarre, c'est que quand je dors assise, que ça m'arrive de m'endormir sur le fauteuil, il n'y a pas de souci par contre. Eh ben, une solution pour commencer. Pour toi. Voilà, dors assis. Non mais pour justement te reconditionner, ça appuie pas sur la vessie, peut-être. Non, je sais pas. Je crois qu'il fallait un thérapeute. Ouais, va voir quand même Anthony, on sait va jamais. Checker, hein. Ouais. Tiens-nous au courant Anthony, d'accord? Ouais, y a pas de souci. Salut, bisous, à bientôt. Salut Anthony. Allez, bisous tout le monde. Bisous, bonne soirée. Il y a Gaëlle dans un instant qui veut réagir par rapport au grand sujet de Karima. Gaëlle, t'es là? Oui, tout à fait. Salut Gaëlle. Salut Gaëlle, t'appelles d'où toi? Malizieux. Très bien. On était déjà ensemble hier soir. Et tu as quel âge? 30 ans. 30 ans, très bien. Bon alors c'est quoi ton rapport par rapport à justement le sujet de Karima sur le sperme? Eh ben, bien tout simplement, moi, j'ai trouvé ça super drôle. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, si vraiment ça fait maigrir, bah, moi, je me dis ce soir. Voilà. Moi, je confirme. Si tu remplaces le repas par un éjaculat, tu vas forcément maigrir. Ah, ouais. Tu vois, le doc confirme. Hein, donc, Gaël, nous, si on peut en servir... 3,5 millilitres versus 1 litre. N'hésite pas, il n'y a pas de problème. Il y a Sandra qui nous dit sur Facebook, mon mari a aussi vu cette étude et du coup, il me fait chier avec ça. Voilà, c'est pour les machos. Mais oui, c'est médical. C'est médical. Bon, bah Gaël, bah écoute, fais-le si t'as envie, hein, uniquement. Amuse-toi bien. De toute façon. Et donc, ça a des vertus alors c'est... Non. D'après le doc, non. D'après moi, c'est, peut-être. Je crois que c'est un peu exagéré. Voilà. Dommage. Bah voilà, c'est dommage, hein, mais bon. On va quand même essayer de trouver une autre étude avec Karima pour voir. Chercher, on va bien finir par y arriver. Oui, je prends mon rôle très au sérieux. Salut Gaël, okay, merci d'être passé, je t'embrasse. Bonne soirée, à bientôt, ciao. Il y aura Jenny dans quelques minutes là, son mec qui l'a largué ce week-end. Il y a Teddy qu'on va prendre également, qui veut savoir comment gérer le stress. Et puis Solène également qui est là. Salut Solène. Salut Solène. Il marche pas le standard. Solène. Solène. Non, le standard ne marche plus. Ce n'est pas grave. Elle voulait nous parler d'un truc bien, ça va être génial dans un instant. On va en parler. 01 42 48 5000 et puis on va s'écouter aussi Tony Junior avec Track Anthem. C'est ce qui arrive dans Love in Fun. Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook. La page Love in Fun. Prenez la 20h-23h avec le doc, Mickaël et Karima. Et c'est reparti pour une heure sans pub et Love in Fun avec toutes vos questions qui arrivent comme tous les soirs au 01 42 48 5000. Il y a le doc qui est avec nous jusqu'à 23h comme d'habitude, toujours avec le mode petite écharpe. Oui, bien sûr. Bien mis quoi. Il s'est mis très bien le doc ce soir. Karima également en pleine forme. Oui, tout va bien. Et toi, voilà. Mickaël? Eh ben oui, ça va tout plutôt va pas mal. Oui, très bien. Je sais pas vers 1h du matin si ça ira toujours très bien, mais normalement ça devra aller. Oui, parce que Karel est malade, je le remplace donc jusqu'à 23h et puis à partir de 23h. Et bien ce sera Mickaël No Limit comme tous les soirs sur Fun Radio et ce jusqu'à 2h du mat. On aura Jenny et Teddy dans quelques minutes, mais avant cela évidemment. Vous pensez être plus fort que le doc? Qui sera plus fort que Wikipédia? Il vient d'Annecy, il a 15 ans, c'est Lucas qui va essayer de battre le doc. Lucas, salut, c'est quoi ta question? Salut. C'était pour savoir depuis combien de temps existe la galaxie. Je sais pas. 1000 milliards d'années. Non. La galaxie, tu veux dire la... Quelle galaxie? Elle a 15 milliards d'années. Oui. Mais oui, d'accord. Ah d'accord, t'as donné la réponse. Bon bah Lucas, j'ai envie de te dire, t'as battu le doc. Bravo. Ben voilà. Ouais, c'était facile, hein, c'était un peu simple quand même. Bon bah Lucas, écoute, bravo quand même. Hein. Tu vas repartir, tu vas repartir avec le beau diplôme qui certifie que tu as battu le doc. Attention. Le doc, tu te fais battre quand même là. Faut reprendre un peu. Il faut reprendre un peu de la bête. J'aime bien, ça m'amuse. Ah, ah bah, d'accord. Okay. Ah d'accord, ok. Il aime bien, très bien. Merci beaucoup Lucas. Bah Lucas, c'est possible d'avoir le pack Loving Friend? Oui, bien sûr. Tu vas gérer ça, je te repasse Lilou au standard maintenant, d'accord? Il y a des capotes dedans de chez iCapote.com. Salut Lucas. Salut. À bientôt. Bon, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, on est là jusqu'à 23h. C'est votre émission. Si vous avez un problème, quel qu'il soit, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr. Et le doc, il me montre un diplôme de la fellation ultime sur internet. Il n'a rien d'autre à faire que de regarder ça. Qu'est-ce qu'il va chercher? Tu sais, t'as l'impression qu'il a un ordinateur, c'est pour aller, tu sais, vraiment aller chercher le moindre détail, l'information. Non, il va regarder le diplôme de la fellation parfaite. Des fois, il regarde des photos. Ah ouais, il a raison. Donc, 01 42 48 5000. Jenny? Oui. Oui, Jenny. Salut de Paris, Jenny. Donc, qui a 21 ans. 109 pour écouter Fun Radio dans la capitale. Qu'est-ce qui t'amène, Jenny? Bah, en fait, depuis 3 ans, j'étais avec mon copain. On a eu un enfant ensemble qui a 2 ans. Oui. Et il s'est cassé dimanche suite à une petite embrouille de couple, quoi. C'est-à-dire? Bah, on s'est un peu frité parce que je lui reproche certains. Enfin, il est bizarre, quoi. C'est-à-dire quoi, bizarre? Il m'a volé ma carte bleue, il me volait beaucoup d'argent, il mentait, il refaisait toujours la faute sur moi. Il faisait ça avant l'enfant? Enfin, je sais pas, non, je il pense a toujours pas. Fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, tu sais pas? Non. Ok. Et ça marchait entre vous, ça marchait pas? Parce qu'il est parti dimanche, c'est brutal, mais est-ce que vous déjà bah, si, étiez un ça peu allait bien, c'était juste moi qui piquais des crises quand ça allait pas, quoi, je veux dire. Ok, d'accord. Donc là, il t'a piqué ta carte bleue et il s'est barré. Ouais, voilà, donc j'ai dû porter plainte, faire des mains courantes. Vous êtes pas mariée? T'as fait tout ce qu'il fallait faire. Non, pas du tout. T'as fait tout ce qu'il fallait faire, les oppositions de cartes, etc. Oui, t'as tout fait. Oui. Non, mais Jenny, est-ce que tu l'aimes? Bah oui. Est-ce qu'il t'aime? Bah, il aime sous carte bleue. Bah, il aime ses sous, ouais, pour l'instant. Oui, ça lui a piqué un peu d'argent. Je ne sais pas, en fait. Parce que c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Parce mais quand t'aimes quelqu'un que tu le respectes, tu lui voles rien, Doc, que ce soit de l'argent ou autre chose. Est-ce que t'as une idée pourquoi il a volé ça? Ah bon? Je sais pas, est-ce qu'il avait une embrouille d'argent? Non, même pas. Je veux dire, ça fait plusieurs fois d'ailleurs qu'il m'a volé des énormes sommes pour aller sur des sites étranges. Sur quoi? Des sites étranges? Des sites un peu bizarres, quoi. Donc, c'est quoi les sites bizarres? Qu'est-ce qu'il fait? Il joue peut-être? Non, non, c'est pas des jeux, c'est des sites sexuels, tout ça. Donc, des sites de pornographiques. Oui, voilà, donc oui. C'est payant. Il m'a volé. Et c'est payant, et donc il te vole l'argent pour aller voir ces films de boules. Ouais, voilà. D'accord. Bon, la vraie question, c'est de savoir, il est parti. Est-ce que tu es soulagé ou pas, finalement? Bah, pas tellement, en fait, puisqu'il recherche une autre. D'accord. Non, génie, là, on parle dans tous les sens. Tu sais, non, il y a deux choses qui se passent. Tu as un enfant avec lui, à quel âge, l'enfant? Elle a 2 ans. 2 ans. D'accord. Donc, c'est très important que tu restes vraiment bien stable et que tu n'ailles pas te mettre des tas d'idées dans la tête. Alors, il y a deux solutions. Ou il revient avec toi et vous expliquez, voilà, vous refaites une histoire, ou vous séparez. Ça fait 5 fois qu'il me fait le coup, qu'il abandonne le domicile comme ça et sa famille. Oui, mais d'accord. 5 fois. Cinq fois. Jenny, il faut un peu voir les choses en face là. Il a du boulot, il a pas de boulot, il fait quoi? Bah, je lui ai payé sa formation. Mais qu'est-ce qu'il a comme boulot? Bah, rien du tout pour le moment. Rien du tout. Donc, mais voilà. Déjà, Jenny a commencé par « j'ai payé sa formation ». Le type profite énormément de toi, Jenny. Il profite de toi et en même temps, il est peut-être un peu habitué à ce qu'on s'occupe de lui. Il va prendre sa responsabilité. Donc, le problème est de savoir, est-ce que tu veux continuer ou pas avec lui? Dans ces conditions. Non, je change, c'est toujours l'espoir qu'il vienne quelqu'un d'autre. Oui, mais ça changera pas. Il y a peu de chances que ça change. Et si lui n'a pas envie de changer, il ne changera pas. De toute façon, Doc, c'est pas... Personne ne changera. Personne ne changera. Jenny... T'as une fille, 2 ans, t'as un boulot, t'as un métier, tu gagnes ta vie. Bon, donc il faut que tu mettes, t'es les pieds sur terre là. Et tu peux pas partir avec cette histoire qui tient pas la route parce qu'il s'en va, il revient, il te pique de l'argent. Enfin bref, tu vas trop souffrir. Mais pourquoi il dit que c'est de ma faute, je veux dire Parce que c'est classique. Te faire culpabiliser, c'est normal. Jenny, là tu te fais un peu manipuler. Bien sûr que non, c'est pas de ta faute. Il est comme ça, bon, c'est regrettable. Ça te fait surtout souffrir et tu ne peux pas tolérer ça. Même si tu aimes ce garçon et s'il t'aime, la séparation qui est vraiment matérialisée, c'est-à-dire qu'il n'habite pas. C'est l'appartement est acquis, à ton nom, à son nom. Je suis retournée chez mes parents. Ok, tu vis chez tes parents, c'est une bonne chose. Ouais. Et en tout cas, il faut que tu trouves un appartement et que tu vives avec ta fille et que voilà. Pour le reste, tu matérialises une séparation parce que de toute façon, c'est nécessaire pour toi. Sinon, tu ne vas pas survivre. Quitte à ce que ça se remette plus tard, au moment où il y aura peut-être moins de problèmes, mais c'est clair qu'il faut un moment ou un autre casser ce délire-là pour refaire quelque chose de bien. Et ce n'est pas de ta faute, Jenny, d'accord? Parce que même si, tu sais, dans un couple, il y a toujours cette histoire. On est amoureux, alors on pense que l'autre va te résoudre tes problèmes. Eh bien, je peux te dire que ça n'arrive jamais. Quand tu arrives avec une valise de problèmes, tu restes avec ta valise de problèmes tant que tu attends que l'autre te résolve tes problèmes. L'autre ne peut pas résoudre tes problèmes. C'est aussi simple que ça. Il peut t'aimer, il peut effectivement te donner de la tendresse d'amour, te conforter dans son sens, mais c'est à lui de régler ses problèmes. Donc c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. J'ai l'impression. Mais t'as tout donné, t'as essayé, t'as été au bout de ton histoire, t'as fait tout ce que tu pouvais faire. Donc là, il faut que tu culpabilises. Et là, mercredi, pour nous deux, et il s'est barré, quoi. On dirait que c'est exprès. Parce que lui n'est pas prêt à changer, Doc. Jenny, ouvre les yeux. Open your eyes. Hein, c'est très important parce qu'il vaut mieux quelquefois souffrir de cette relation qui n'est pas possible. Et tu poses-toi la bonne question. Pourquoi je m'accroche à ce garçon qui, finalement... Me fait du mal. Me fait beaucoup souffrir et ne m'apporte rien, sinon des ennuis. C'est ça, c'est, à un moment donné, c'est une question de survie, Jenny. T'as une petite fille de 2 ans, t'as un métier... Il faut te sauver. Moi, j'ai l'impression que Kevin s'accroche toujours à des coups. Il m'a bloqué de partout. Il prend plus contact avec moi. T'ouvres les yeux. Alors après, tu fais ce que tu veux. T'es grande. Mais moi, le conseil que je te donne, c'est prendre la distance, matérialise une séparation parce que ça devient nécessaire. Et à lui, éventuellement, si toutefois il veut bien changer, c'est-à-dire prendre ses responsabilités, aller au bout de sa formation, trouver un boulot et arrêter de mentir, ben voilà, tu verras à ce moment-là si la relation vaut le coup. Mais mieux sinon, vaut souffrir. Et puis sinon, il faut le virer. Je sais que c'est difficile à dire et que t'avais appelé en espérant qu'on te donne une autre solution, mais bon, il y a un moment, faut être réaliste. Ouais, et honnête, il faut que tu protèges toi, il faut que tu protèges ta fille aussi. Voilà, Jenny, il faut que tu prennes conscience. Tu sais tout, tu nous as tout raconté, donc t'as parfaitement conscience du degré de souffrance qu'il t'inflige, mis à part une culpabilité comme ça. Tu le sais, mais en même temps, tu t'accroches. Et tu dois te poser cette question. Pourquoi je m'accroche à ce garçon qui finalement m'apporte tant d'ennuis et si mais peu je de sais bonheur. Pas justement. Eh ben, bah ça c'est un psychologue fait, que tu as, c'est un psychologue que tu dois aller voir pour comprendre pourquoi, pour qu'il te soutienne, pour qu'effectivement il étaye ton raisonnement et pour qu'il t'aide à te conforter dans l'idée mais que c'est toi qui as raison. Pourquoi il m'a dit que enfin il cherche des filles qui ont certaines difficultés pour les remixer à son image, pourquoi il... bah, c'est pour ça te appelle, faire souffrir. Ça s'appelle de la manipulation. Ouais, manipule. C'est un manipulateur, il ne faut pas que tu tombes dans le piège. Okay. Donc t'as encore la chance de sortir de là, justement. Donc profites-en, justement. Dis-toi que c'est une chance que tu as eue là. T'as une petite fille de 2 ans et t'as une responsabilité importante. Elle a besoin de stabilité et pas de situation aussi délicate. Okay. Bon courage, d'accord. Jenny. Merci. Courage, Jenny. Salut, Jenny. Plein de bisous. Ciao à toi, Jenny. Salut. Il y aura Teddy dans quelques minutes. Salut, Teddy. Salut. Comment ça va, Maubeuge, je t'ai dit. Ça va bien, bon, tant mieux, oui, ça va, ouais. 4h10.6 pour écouter Fun Radio à Maubeuge. Et on va parler de quoi dans quelques minutes, dis-moi. Je serais pas avoir une solution pour combattre le stress avant l'oral. Avant l'oral, d'accord, ok. Bah déjà, t'arrives à nous parler, donc c'est déjà que c'est pas non plus catastrophique. Donc, Teddy, on va parler avec toi dans quelques minutes. C'est Love in Fun sur Fun Radio avec le doc, avec Karima. On est tous là jusqu'à 23h. 01 42 48 5000 pour nous appeler. C'est après le son de Tony Junior et Twerk Anthem sur Fun. Tony Junior sur Fun Radio, Twerk Anthem. Prenez la parole. 01 42 48 5000. 20h, 23h sur Fun Radio. Exactement, avec le doc qui est à mes côtés, puisque Karima a décidé de partir pour voir Paris Saint-Germain face à Montpellier. Hein. Donc elle mais est non, là, mais c'est seul son fantôme est avec nous. Mais non, je suis là, voilà. Je suis absolument. Parce que je rappelle que Karima est une des rares meufs à kiffer. Non, c'est même pas kiffer, c'est surkiffer le foot. Ah non, je suis. Ouais, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est à dire que son mec, par exemple, si elle en cherche un, s'il n'aime pas le foot, c'est. Bah non. Il va s'ennuyer quoi. Voilà, soirée FIFA avec, ouais, avec Karima. Donc n'hésitez pas. Si jamais ça vous intéresse, elle est disponible. Bon, 01 42 48 5000. Bien évidemment. Teddy avec nous maintenant là. Bonsoir Teddy. Salut. Enfin rebonsoir. Salut. Toujours à Maubeuge, pardon. Et qu'est-ce qui t'arrive Teddy? Et rappelle-nous. En fait je cherche une solution pour combattre le stress avant un oral. Okay. J'ai un oral d'histoire en pas longtemps. Un oral de quoi? Histoire. D'accord. Est-ce que tu l'as bien préparé déjà? Bah normalement ouais. Parce qu'en fait il faut analyser le stress. Le stress c'est tout à fait nécessaire. Tu vas sécréter des tas d'hormones qui vont augmenter ta vigilance, qui vont donner beaucoup de force et te surbooster. Ça c'est une nécessité. C'est la vertu du stress. C'est te préparer à une épreuve particulière. Dans la nature, les animaux vivent cela. Le stress c'est quand ils sont attaqués globalement. Donc ils vont sécréter des tonnes d'adrénaline et ils vont la décharger en courant. Alors toi le problème c'est de savoir si devant ce stress, qui est une façon de, comme ça, de ramasser toute ton énergie, est-ce que tu es paralysé? Ou au contraire, une fois que, par exemple, tel sujet, pour être très précis, c'est dans un examen, c'est comme ça, est-ce que tu vas d'un seul coup te libérer et d'un seul coup, effectivement, commencer à écrire des idées, tout ce qui te revient dans la tête et tout ça? C'est ça. Est-ce que le stress te paralyse? T'es comment, t'es dit en situation de stress? Bah il se pisse de dessus, puis il s'en va. Comment? En fait, je parle mal quand je suis stressé. C'est quoi, tu bégayes, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. T'es troublé, alors, tu deviens tout rouge, t'as les mains moites. Dis-moi, ouais, dans un oral, tu m'entends, Teddy? Ouais. Dans un oral, tu as un quart d'heure de préparation. Mmh. Bon, alors tu mets les grandes lignes, tu les écris, et après tu lis, tu te repères. Parce qu'en fait, quand on a des problèmes comme ça, d'élocution, il faut tout simplement écrire les idées. Les grandes idées, pas tout. Tu sais, les débuts de phrases, et après tu développes parce que ça te revient. Et puis tu dis à l'examinateur, effectivement, t'es un peu stressé, que si tu bégayes un peu, il faut pas qu'il t'en veuille, c'est simplement, voilà, c'est pas que t'as pas appris, c'est pas que tu sais pas. Et normalement, s'il est intelligent, parce qu'il est pas là, c'est pas pour t'enfoncer non plus. Ouais. Il est là pour savoir si tu as bien acquis ses connaissances, faut quand même le dire. Donc il est pas là pour te stresser, parce que si c'est un monsieur qui est vraiment désagréable ou une dame, et qui en plus t'engueule, c'est quelqu'un de détestable. Et je pense, j'espère que ça n'existe plus. Ah non, ils sont toujours là, Doc. Et puis, à la limite, ce qui est bien aussi, moi, c'est ce que je faisais, c'est que tu dois réfléchir à savoir par quoi tu vas commencer, voilà, par quoi tu vas finir, et par où tu vas passer pour arriver jusqu'à la fin. Donc, si tu connais le début, le milieu et la fin, normalement, au milieu, tu brodes un peu, voilà. et puis ça marche tout seul. Et si tu as ce point de repère d'avoir écrit sur ta feuille les idées, bah déjà, ça va te rassurer. En fait, il te faut des éléments pour te rassurer, tout simplement. Mais parce que t'as peur de ne pas être à la hauteur, t'as peur de rater. Mais bon, ça va, tu joues pas non plus ta vie. Hein. Oui, c'est blanc, c'est quoi, là. C'est quoi comme examen? Bah en fait, c'est l'histoire des arts. On a 5 œuvres et on doit en présenter une au hasard. D'accord. Et c'est un concours? Non, c'est pour le collège. Okay. C'est une épreuve blanche. D'accord. Eh ben écoute, mais c'est très bien. Tu sais, c'est nécessaire dans la vie parce que moi, c'est formateur toujours... et ça va t'aider pour les prochaines en plus. Bien sûr. Tu sais, quel que soit ton métier, il y a toujours à un moment donné les examens, c'est les examens. Mais un jour, quand tu vas être dans la vraie vie, tu auras des vraies épreuves. Et là, tu vas jouer des choses importantes. Mmh. Et là, effectivement, si tu t'es entraîné à l'école à maîtriser ton stress, tu géreras mieux des situations de la vie. Mais quand tu vas avoir un rendez-vous avec un boss là, qui va te proposer, il va dire combien est-ce que vous voulez ? Et que tu vas commencer à bégayer ou à merder, bah, il va dire, bon, il n'a pas assez confiance sur lui, je le paye moins. Donc, voilà. Je le prends pas. C'est un entraînement que tu subis là. C'est très bien. Il faut que tu le vives comme ça. Bah déjà, c'est bien, Teddy, là, tu parles avec nous, alors que c'est quand même à la radio, tu pourrais être timide et effectivement bégayer aussi. Là, tu bégayes pas, donc c'est que c'est pas mort. Ben non. Bon, ben voilà. Doc, dernier truc, est-ce qu'il y a des choses à faire la veille d'un examen ou autre pour se détendre bien, petite branlette. Oui, c'est vrai. C'est ce que font certains sportifs avant une épreuve. Ah, voilà. Ah, les sportifs, normalement, ils n'ont pas le droit. Bah, tu vas aller vérifier. Bah, je sais pas. Comment ils n'ont pas le droit de se branler? Bah, je sais qu'en tout cas, ils n'ont pas le droit d'avoir de rapport sexuel. Ah, mais ça, oui. C'est différent. Ça, c'est autre chose. Et bah, justement, pour ne pas faire sortir la chose. Non, rien à voir. Bon, c'est pas grave. Revenons au sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire la veille d'un oral? Bah, déjà, il faut bien dormir. C'est une erreur de croire que peu de sommeil aide. Il faut avoir une bonne hygiène, il faut bien se nourrir et bien boire beaucoup d'eau. Déjà, c'est la première chose. Et puis, faire un peu de sport parce que ça aide justement à maîtriser tout cela. Quand on n'a pas d'activité sportive, le corps, il emmagasine les hormones de stress et ça se passe pas très bien. Le sport, ça aide justement à évacuer tout ça. Ok? Il faut une bonne hygiène, Teddy. Voilà. Ouais. Bon, allez, bon courage et une bonne note. Dors bien avant d'aller. En dessous de 18/20, c'est considéré comme un échec. On veut la copie. On veut le double. Exactement, ouais. Ok, Teddy. Vas-y, Teddy. Un dédicace à la famille, à Noël, Capucine, Camélia, Sandra, tout ça. Très bien. Eh ben, voilà. Le message est passé. Bonne chance pour. C'est demain, c'est ça, l'examen? Dans une semaine, c'est comme ça. Dans une semaine. Bon, bah, très bien. Bah, alors, bonne chance. Et tiens-nous au courant. Salut, Teddy. À bientôt. Salut. Ciao à toi. Bye bye. Il y a Solène avec nous maintenant. Bonsoir, Solène. Bonsoir. T'appelles de Saint-Brieuc, Solène, 92 FM pour écouter Fun à Saint-Brieuc. Et Solène, de quoi allons-nous parler avec toi? Eh bien, petite chance sainte, je suis devenue une femme fontaine. Ah ah, bah, alors on en parlait avec Karima tout à l'heure, pendant qu'on était en train de manger. Oui, on parle de trucs bizarres pendant qu'on mange. Mais effectivement, la femme fontaine, ouais, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure. Tiens. C'est une mouillure vaginale très abondante. Bon, c'est pas une mouillure, c'est un karcher. Non, mais c'est vrai, il y a un Solène, c'est un karcher. Ça dépend, ça peut arriver. C'est ça? Bien sûr. Oui. Non, je plaisante. Enfin, j'espère, je suis jamais tombé sur une femme fontaine. Et on peut donc le devenir du jour au lendemain. Non, mais tu peux te noyer surtout. Je pense que dès qu'elle est enceinte, il y a une sécrétion d'hormones très importante, des hormones femelles, et que peut-être ça joue sur. Il y a des femmes qui sont très excitées pendant leur grossesse, qui ont un besoin sexuel plus important que les autres. Donc, est-ce Solène, tu as accouché et depuis tu l'es, c'est ça? Non, elle est enceinte. Elle est enceinte. Ah, d'accord. Est-ce que tu as très envie de faire l'amour? Bah non, c'est ça le truc. T'as pas envie du normal. Tout. Normal. Parce que si t'as. C'est si normal, t'as, quoi. Si t'es femme fontaine, oui, t'es normal. C'est quand même, t'as un désir sexuel. Oui. D'accord, donc tout ça. Non, mais je pense pas que ce soit anormal. Ne prends pas cet air catastrophé. Tu n'es pas en train de dysfonctionner. Ton organisme n'est pas malade. Je suis sûr que ta grossesse se passe très bien. Donc il faut pas que tu sois inquiète. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais en même temps, c'est marrant. Enfin, il n'y a rien à faire contre ça quand on est femme fontaine. Pas vraiment, pas vraiment. Parce que c'est quand même scandaleux. Enfin, scandaleux. Les hommes aiment ça, t'imagines. Je crois. Hein. Ah, Dieu, ah, quoi? Il y a plein d'hommes. T'es entré. Et puis là, t'as ça, t'es quand même en mode. Non, bah ouais, il y a plein d'hommes que voilà. Ça passionne. Regarde, ah ouais, tout à l'heure, t'en parlais, t'étais passionné, t'en cherchais une. Ah non, mais moi, je suis passionné par plein de trucs, mais c'est pas pour autant que je. Tu vois. Solène, comment il pense ça, ton mec? Il apprécie. Bah, il est noyé. Ah, voilà. Ah, il apprécie. Ouais, donc voilà. C'est parfait. Tout ah, moi, bien. J'aimerais pas. Solène, ne prends pas cette air triste. T'es enceinte, tu auras un bébé. Tu l'as choisi, ça, d'être enceinte. Non, c'est arrivé par accident. Ok, mais est-ce que mais tu vous êtes heureux? Est-ce que tu es heureuse d'être enceinte? Je suis pas avec le papa. Ah, et il est où le papa? J'en sais rien, il veut pas de nouvelles. Donc... Alors, donc, t'es avec un autre homme? Oui. Ah bah, à qui j'ai dit que c'était le vrai père. Oh là non, là. Non, pas du tout. Il est au courant que tu es enceinte avant d'être avec toi, n'est-ce pas? C'est ça? Oui. Ok. Ah. Donc il accepte l'enfant. Bah oui. Mais tu veux que je te dise, c'est une preuve d'amour. Tellement. Parce qu'il y a des hommes qui sont effectivement, j'en connais. Qui auraient fui. J'en ai connu qui. Il y en a les vrais pères qui fuient parfois. Ouais. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera un jour. Bon, moi, je pourrais être d'accord pour le gosse, mais la femme fontaine. Et voyons. Donc voilà, donc cet homme t'aime et c'est ça la plus belle histoire qui t'arrive. Et il sera le papa parce que voilà, il a assumé tout et que. Les chromosomes, ça joue pour 10%, le reste c'est 90%, c'est l'amour que tu lui donnes et l'éducation. Exactement. Donc Solène, c'est très important ce qui se passe dans ta vie et tu vis une belle histoire et un homme qui t'aime comme t'es, c'est très bien. Mais est-ce que ça peut aller haut, la femme fontaine, le gel, la puissance? Non, ça, alors, ça, ça c'est bien. Alors, je vais te dire. Non, mais attends, bah, je vais la rassurer parce que Mickaël. Oui, vas-y. Vas-y bah, Solène va nous le décrire si c'en est une. Après, je vais expliquer à Mickaël. Bah, ça peut. Je sais pas, prendre un exemple, généralement, bah, quand on fait un cuni, voilà, ça peut arriver jusqu'à ses genoux, quoi. Oui, bien sûr. Ah, et j'exagère après, hein. Ah ouais, non, moi j'imaginais pas comme ça. Oui, bien sûr, non mais ça peut couler beaucoup. J'ai une question pour Solène, juste. Oui. Comment t'as réagi la première fois? Vu que t'étais pas comme ça avant. J'étais très très très gênée. Tu t'es pas gênée? Au début, je croyais que j'avais fait pipi en fait. Mais tu m'étonnes, évidemment. Bah oui, après, c'est la première fois. Non mais après, parce qu'il y a aussi le côté galère de il faut changer les draps à chaque fois. Enfin, tu vois, c'est quand même. Tu peux pas faire ça n'importe où. Oui, mais bon. Dans l'eau? Dans un bain, sous la douche. Tu sais, c'est toujours le rapport bénéfice-risque. Le bénéfice, c'est que vous avez fait l'amour et vous avez beaucoup de plaisir ça, et vous le partagez. Le bénéfice est après, bien plus voyer, important. Voilà. Ça, c'est le mot négatif. Est bien plus important que l'inconvénient. On est d'accord? Oui. Solène, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Alors, voilà, ce que tu décris, l'éjaculation féminine, c'est effectivement au moment de l'orgasme, c'est une contraction des muscles autour du vagin. Et là, c'est qui expulse ce qu'il y a dedans. Mais bon, c'est pas aussi fort. Faut pas non plus exagérer. Mais c'est comme l'évêque ou plus en fait, ou moins. Non, c'est quoi en fait le produit? Enfin, c'est quoi le. Il y a quoi dedans? La mouillure, ben, c'est simplement une transpiration. C'est-à-dire que tu as des vaisseaux. Quand tu es très excité, les parois de ton vagin sont très gonflées. Ils sont en érection en quelque sorte. Et donc, forcément, de ce sang qui sont dans la paroi de ton vagin, il y a une transsudation, c'est-à-dire qu'il y a du liquide, qui est à base d'eau et d'autres choses encore, qui effectivement passe à travers la paroi. Et la vertu, ben, c'est une nécessité, c'est les lois de la nature. Pour que l'acte sexuel se passe bien, il faut une très bonne lubrification. Parfois, elle est plus abondante, mais c'est normal. Voilà, donc voilà, c'est préparer la femme à l'acte sexuel. Sinon, un acte sexuel sans excitation et sans mouillure, ça fait vite mal, ça brûle. Enfin, il y a mouillé, hein. C'est-à-dire que ouais, on a y a le minimum syndical et puis après, enfin bon. Mais il n'y a pas de problème si ton mec aime bien après tout, c'est le principal. Voilà Solène. Ouais, bon. C'est super gênant, mais bon. Non, oui, mais. Tu es normal. C'est gênant, mais t'es normal et ton mec il kiffe. Profitez. Au lieu de te poser des questions et au lieu de te stresser avec ça, profitez. Voilà. Ouais. Bon, et vis une belle grossesse. Oui. Et sinon, je passe mon message, mais je cherche une femme fontaine pour Tof pour essayer dans les studios entre 23h et 2h dans Mickaël No Limit. Donc, si vous êtes femme fontaine et que vous voulez passer à la radio, vous êtes évidemment les bienvenus. Enfin, les bienvenus, bien entendu. Bon, Solène. Voilà, salut Solène, je te fais bravo. Des bisous. C'est pour quand le bébé? C'est pour le mois d'avril. Ah, oh, c'est bientôt. Oh, quel jour le mois d'avril? Vaut mieux le 29. On t'appellera le 29. Ah, okay. Non. Oh là là. Très bien. C'est dur. Femme fontaine et le 29 avril. Enfin bon. Oh. Je plaisante, Solène. Je te fais des bisous. Gros bisous, Solène. À bientôt, Solène. Ciao. On aura Gaëlle dans quelques minutes. Bonsoir, Gaëlle. Salut. Oui, bonsoir. Comment Salut. Ça va, Gaëlle? L'appel d'urgence, ce sera à quel niveau? Gaëlle. Moi, je vous appelle, c'est parce que mon mec, la copine de mon mec. Ouais. Oui. Enfin, l'ex de ma copine, en fait, mon copain. Ouais. Excusez-moi. Oh, putain, t'inquiète. Donc, l'ex de ton mec. Dans l'histoire, il y a un mec, c'est sûr. Elle est au-dessus de moi, elle nous fait la misère. Ah, je comprends pourquoi elle panique, oui. Je comprends. Tu m'étonnes. Allô. Bon, Gaël, reste avec nous, on aura Jordan également. Salut, Jordan. Salut. Comment Salut. Ça va, à quand? Ça va, nickel, et vous? Très bien. Ah. Magnifique, Jordan. On parle de quoi dans quelques minutes avec toi? Bah, c'est pour savoir, pour un homme, en fait, s'il a un autre orgasme que l'éjaculation. Bon, bah reste avec nous, on va parler de ça avec le doc notamment dans quelques minutes. C'est Love in Fun, on est là jusqu'à 23h, 01 42 48 5000 pour nous appeler. Et c'est Chucky maintenant, Skydive sur Fun Radio. Chucky avec Skydive sur Fun. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel d'urgence de Love in Fun sur Fun Radio. Bon, et c'est avec Gaël l'appel d'urgence, salut Gaël. Enfin, re-salut. Salut. Faut aider Gaël, là, elle est pas Gaël, bien. Gaël. Non, je suis Qu'est-ce pas bien que du c'est tout, que là. Ce bordel, Gaël, explique-nous. Mais en fait, c'est l'ex de mon copain, l'ex de mon copain, elle habite au-dessus de chez moi. Enfin, gros bordel, c'est pas fini. Enfin, c'est pourquoi gros bordel. Pourquoi elle habite au-dessus de chez toi? Attends, t'as dit habite au-dessus de chez moi, c'est pas fini. Sur lui encore. Attends, c'est pas. Elle est encore en kiff. Attends, ah bah oui, mais. Elle a emménagé? Elle a emménagé? Oui, elle a emménagé. Pour rester près de lui? Juste au-dessus. C'est elle met des mots dans la boîte aux lettres, elle fout un boucan, enfin c'est gros bordel. Tu la croises dans l'ascenseur parfois, hein? Non, c'est des escaliers, donc j'ai pas le temps de la croiser. Ah dommage, t'aurais pu la pousser. Pardon. C'est pas un bon conseil. Bravo Karima là, hein. Bon, attends, félicitations. Comment il réagit ton mec? Bah lui, il s'en fout, enfin pour lui c'est. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui envoie des messages, elle le drague, elle Non, elle met des mots dans la boîte aux lettres. Attends, on va demander si quelqu'un a déjà vécu une chose pareille, qui nous appelle. Hein. Dis-moi, oui. Tu veux pas qu'on l'appelle? On va essayer de se débrouiller avec elle. Voilà, il n'y a pas de problème. Attends, c'est on veut pas déjà. Son numéro. Ah bah bravo, bah en même temps c'est la voisine bah, l'adresse, l'adresse on l'a, il nous faut son nom de famille et on trouve son numéro. Est-ce que t'as ce... Est-ce que c'est t'as Sarah un... Non, donne pas son nom de famille à l'antenne, on va le prendre en antenne. Est-ce que t'as un téléphone portable? Eh non, je suis avec les fils. T'as un téléphone portable? Moi j'ai un téléphone portable, oui. Bah, tu vas frapper à sa porte. Bah ouais, voilà, tu vas frapper, tu lui mets une patate et voilà. Tu lui dis qu'il y a quelqu'un qui veut lui parler. Exactement, ouais, tu fais comme ça. Tu tapes un bon coup sur la porte, tu l'as fait presque casser. Sinon tu prends une hache comme dans Shining. Elle a, oui. elle a peut-être quelque chose à dire et puis on va peut-être s'expliquer. C'est peut-être par exemple. Plus méchant que ça. Bon, écoute Gaëlle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà voir si d'autres auditeurs ont éventuellement des solutions, si ça leur est déjà arrivé des plans pareils. Après, il y a toujours la possibilité d'en profiter et de faire un plan 3. Hein. Pas avec l'ex. Et pourquoi pas, elle peut t'apprendre des trucs sur ton mec actuel. Parce que Gaëlle, il y a deux choses. Soit elle veut le récupérer, soit elle veut vraiment l'emmerder pour se venger. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, à la louche? Moi, je pense à ça aussi. Ah donc, elle veut se venger parce qu'elle en veut, elle lui en veut. Moi, je pense qu'elle veut juste les faire chier. Elle envoie des mots, salope, t'es grillé. Finalement, je reprends mon conseil, pousse-la dans l'escalier. Gaëlle, il y a une dernière chose, si elle fait ça, c'est-à-dire que si elle se manifeste pas, elle a fait le droit d'être là. En revanche, si elle a cette attitude-là, tu gardes les petits mots et tu vas faire une main courante au commissariat. Tu vas expliquer qu'effectivement, et ça, le harcèlement, c'est interdit par la loi. Et donc là, elle va se faire convoquer par le commissaire de police. Parce qu'il y a des milliers d'appartements, alors je comprends pas pourquoi. Non, mais ça, attends, elle a le droit, c'est la République, on peut être où on veut. En revanche, ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'embêter l'autre. C'est le respect de la vie privée. Elle ne respecte pas ta vie privée, elle s'immisce en permanence, elle t'insulte, elle n'a pas le droit. C'est pas autorisé par la loi, donc une bonne petite convocation au commissariat. Ou une bonne patate, enfin bon bref. Si quelqu'un a déjà vécu ça, en tout cas, appelez-nous, racontez-nous comment ça s'est passé. 01 42 48 5000. Gaël, reste avec nous, on va revenir avec toi dans quelques minutes, bien entendu. En attendant, il y a Jordan de Caen, 19 ans. Bonsoir Jordan. Salut. Bonsoir. Comment va? Salut. Ça va, nickel. Bon, très bien. Jordan, passez une bonne journée. Ouais, tranquille. Ah, t'es pâtissier, Jordan. Ouais. C'est bon ça, quand est-ce que tu passes à la radio? Ah ouais, s'il te plaît, quand vous voulez. J'ai faim. Bah écoute, quand tu veux, on a déjà un pâtissier tout près de Paris qui est passé nous voir la semaine dernière dans Mickaël No Limites. Jamais tu nous les donnes du côté de Lovin Fun. En plus, il a ramené des macarons. Non mais sérieux, y'a pas folie, de respect. La folie, il y en avait 40, c'était la folie totale, c'était dimanche d'ailleurs, on l'embrasse. Bon Jordan, tu fais des macarons ou pas? Ouais. Parfait. Bah bon, tu passes quand tu veux, Jordan. Tu peux venir, mais dans Mickaël No Limites la semaine prochaine. Non, Lovin Fun, on est amour, tendresse et chocolat. Parce que Mickaël No Limites, ils mangent trop, ils sont un peu au régime, ils sont un peu obèses. Voilà, exactement, et on est obèses, tous, on passe plus la porte. Bon, Jordan, donc, tu voulais quoi, toi, déjà? Parce qu'en fait, c'était pour une question, parce que moi, j'en ai parlé, j'ai des amis qui ont parlé sur une chose, c'est que... Il y a un autre orgasme pour le mec, en fait. Il n'y a pas que l'éjaculation. Non, pas possible. Parce que c'est la nature. Non, mais je peux te le dire, ça n'existe pas. L'orgasme, c'est simple. Tu peux avoir un plaisir intense. Et, effectivement, retenir ton orgasme, c'est toute une éducation. Ça peut s'apprendre. Et avoir un plateau comme ça, de plaisir intense, et rester toujours sur le plateau. Mais à partir du moment où tu as l'orgasme, c'est la nature qui a fait les choses comme ça. C'est obligatoirement une éjaculation parce qu'il faut que tu donnes ton sperme. C'est la nature qui a demandé ça. C'est écrit dans le message au départ. En revanche, tu peux éjaculer sans avoir d'orgasme. Oui, alors tu peux ne pas ressentir. C'est exact. Il y a des hommes, il a raison. Il y a des hommes qui ne ressentent pas l'orgasme. Tu as vu ce qu'il dit? J'ai raison. Parce que, effectivement, il y a le ressenti, il y a l'orgasme qui se passe en bas, et après, il faut que le plaisir soit ressenti. Et il peut y avoir des blocages, notamment parce qu'il faut que ça monte par la moelle épinière jusqu'au cerveau, et quelquefois, il y a des petits blocages qui font qu'on ne ressent pas l'orgasme. Voilà. Ça peut arriver. Toi, t'as entendu quoi, Jordan? C'était quoi? Bah, en fait, que. Sur un autre. Moi, il m'avait dit sur un autre orgasme, en fait, il a tellement eu un orgasme fort, même plus fort qu'une fille, qu'il m'avait dit, quoi. Et qu'il en avait du mal à y trembler et tout, tellement que c'était puissant. Ah, bah oui, mais ça arrive. Arriver, ah, oui, c'est l'orgasme qu'il a eu, mais il a juste eu une éjaculation forte. Ouais, bah, aussi forte que ça, je sais pas. Non, mais l'orgasme, tu sais, il faut que tu saches une chose, dans le plaisir sexuel. Il n'y a pas un orgasme qui ressemble à un autre chez la même personne. Parfois, c'est ressenti avec une énorme puissance. Oui. Parfois, il y a des bons, parfois, il y a des mauvais. C'est moyen, c'est pas très fort. Donc, il n'y a pas des gens qui ont des super orgasmes tout le temps et trois fois par jour. Oui, bien sûr, toi. Non, pas trois fois. T'arrives à H24, directement, rien que d'y penser. Dans ma tête, là, ça y est. Dans ma tête, Bien sûr. En imagination, il n'y a pas de souci. Voilà. Dans la réalité, dans les cul, il faut être en forme, il ne faut pas être embêté, il ne faut pas avoir de soucis. S'il y a du stress de tout, c'est moins disponible. Voilà, ça c'est clair. Donc, c'est sûr que, oui, c'est donc variable. Donc, très fort, moins fort, c'est normal. Voilà Jordan. Voilà Jordan. Okay. Tu okay, sais okay. tout. Ben maintenant tu te coucheras moins bête ce soir, comme moi d'ailleurs hier soir. Hein. C'est-à-dire que j'ai appris plein de trucs hier soir, j'ai déjà tout oublié, mais et hier soir j'ai appris plein de trucs, ouais. Okay, on attend tes macarons. Genre. Voilà, exactement. Je peux lancer une petite dédicace, non? Bah ouais. vas-y, ouais. Bah dédicace déjà à Boubou, à Sèvres, puis à tout ce temps, à tout ce de Bourguébu. D'accord, eh ben message passé, Jordan. Passe une bisous, bonne Jordan. Une bonne soirée, à bientôt. Salut. Salut Jordan, on a Kylian maintenant avec nous. Bonsoir Kylian. Salut. Salut. Bon, bienvenue Kylian, t'appelles de Paris toi, t'as quel âge? 12 ans. 12 ans, qu'est-ce qui t'arrive? Bah moi j'ai vu mes parents. T'inquiète pas, ça va muer Kylian, ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun problème. T'as vu tes parents faire l'amour toi? Ouais, et je les ai même pris le film en vidéo et j'ai retrouvé même... Ouais ouais. Comment ça t'as fait une vidéo là? T'as mis attends, une caméra vas-y. Attendez, laissez Kylian raconter l'histoire s'il vous plaît, je sens qu'il y a du lourd là. Vas-y Kylian, raconte tout. Bah en fait j'ai pris une vidéo, je les ai cachés dans une touffe, dans une étagère. J'ai les cachés en dessous d'un... Bah une touffe de vêtements. Ah d'accord, ok, très bien. Puis après j'ai vu et en fait j'avais une caméra HD et pouvait filmer dans le noir, alors j'ai tout vu. Ah oui. Et je l'ai déjà vécu aussi dans mon enfance et j'ai déjà vu ma sœur aussi. Mais t'es improbable mais... Kylian, dis donc. Mais attends, t'as filmé tes parents et après t'as regardé le film? Ouais ouais. Ça t'a fait quoi regarder? Mais quelle horreur! Mais comment tu peux Kylian? T'es complètement ouf. Tu peux pas voir tes vieux comme ça là en train de... Attends, il y a ses parents à côté je crois. Bah oui. Kylian, où est la vidéo? Papa veut la voir. Kylian, comment... Non mais comment... Je parle un peu plus doucement. Non mais comment ça se passe à la maison? Parce que moi j'ai du mal à piger là, j'arrive pas mal à suivre. J'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi. C'est pas courant. De façon générale, les adolescents n'imaginent même pas, ils peuvent pas imaginer un instant que leurs parents font l'amour, voire même ils trouvent ça dégueulasse. Donc toi tu prends un certain plaisir, voire même jusqu'à filmer... Ce qui est quand même un ouais, petit mais peu après curieux. Les vidéos, je les supprime. Oui, encore heureux, il m'aurait plus que tu les mettes sur YouPorn. Kylian. Non, non. Kylian, tu sais, il faut garder de la distance avec les relations sexuelles de ses parents. Il faut ouais. pas rentrer dedans comme ça. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon du tout. Et ils ont quel âge, moi, tes parents? Je suis mille... Voilà, et ils ont quel âge, ouais? Ma mère, elle a 47 et mon père 50. Ah ouais. Ok, mais je suis mille fois d'accord avec le doc. Mais sérieux, à quel moment tu te dis tiens, je vais mettre une caméra? Oui, mais c'est improbable quand même de mettre une caméra dans la chambre de ses vieux. Parce que c'est juste que en fait chaque fois j'arrivais pas à dormir parce qu'il faisait trop de bruit. Ah bah alors j'ai regardé, ah bah, tu vois. Ah bah, donc tu voulais savoir ce qui se passait, pourquoi il y avait tant de bruit. Au lieu de mettre alors, des boules caisses, de mettre la radio, la télé, je sais pas. Pourquoi ça, tu leur en parles pas que... Papa, maman, excusez-moi, vous faites trop bruit quand vous faites l'amour, faites un peu moins de bruit s'il vous plaît, tu vas voir, parce ça que... va créer une ambiance. Parce qu'en fait, une fois j'ai demandé, j'ai posé la question et en fait j'ai pu reposer la question. Et c'était en Irlande, on était dans un appartement ouais. et on entendait avec ma sœur et moi, on entendait crac crac. Et en fait j'ai ouvert la porte et j'ai vu mon père sur ma mère. Mais du coup ils t'ont vu entrer? Oui. Donc bon, tu peux leur bien. Dire, arrêtez de faire du bruit les gars. Et puis après, l'avantage, c'est qu'au moins, tu peux dire que tes parents s'aiment encore. Ah oui, voilà. C'est bien. Le bruit qu'ils font, c'est pas un bruit dramatique. Un bruit de lit, c'est le minimum syndical. Tu vas voir bientôt. Oui. Non, d'ici quelques années, Kylian. Je pense qu'il faut que tu prennes de la distance avec ça. Et c'est nécessaire de ne pas aller voir ça, de ne pas t'occuper de ça. Même s'ils font un peu de bruit, c'est pas quand même, tu l'as pas sous les yeux. Et ta caméra, j'espère que tu vas plus l'utiliser pour ça, parce qu'à mon avis, ouais, non. C'est pas un bon truc. Efface la vidéo, Kylian. Ouais, ouais. Garde pas de preuves de ce genre de choses, bon, ou bien offre-leur. Voilà. Oui, ou si maman avait été plus jeune, t'aurais pu me l'envoyer, mais là, non. Non. je laisse au doc, s'il veut. Et Kylian, t'as jamais eu de relation sexuelle avec quiconque? C'est qui? J'ai déjà eu deux ou trois copines. À quel âge? Parce que t'as quel âge? Il a 12 ans. Y avait une cette année... une en maternelle. En maternelle, excuse-moi, mais tu es resté correct avec elle? Oui, oui, en fait, cette année, j'ai invité au cinéma, je lui ai payé le cinéma. Oh, la grande classe, monsieur gentleman. Wow. Et tu l'as juste embrassé, c'est tout? Je l'ai embrassé plusieurs fois, oui. Pas mal. Ben, joli score, eh, bien rigolo. Il y a juste Alexis qui pose une question sur Facebook. Hein. Je suis là pour les auditeurs, donc je la pose. Sur Facebook et Twitter. Exactement. Et tu la publies quand la vidéo sur YouTube après? YouPorn, parce que YouTube ça passera pas. Il a marqué YouTube, je dis YouTube. Bon. C'était une plaisanterie, bien entendu, Kylian. Exactement, Kylian. Bon, bah, Kylian. À ne pas faire, Kylian. Mais ça te regarde pas, tout ça. Non, voilà. Non, je le fais pas. Allez, efface la vidéo. Prends de la distance. Bah. Bon, salut, Kylian. Merci, au revoir. Allez, à bientôt, salut. À bientôt, Kylian. Bon, l'appel d'urgence dans quelques minutes avec Gaëlle. Donc, l'ex de son mec habite l'appartement juste au-dessus. Et donc, bah, forcément, elle l'emmerde tout le temps. Donc, elle est un petit peu emmerdée, c'est le cas de le dire. Si vous avez des conseils, si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes jaloux ou jalouse, appelez-nous maintenant. C'est Love in Fun jusqu'à 23h. 01 42 48 5000. Et on revient après le son de Fightboy Slim. Hit, sleep, rave, repeat sur Fun. Le nouveau Fightboy Slim sur Fun Radio, Hit, Sleep, Rave, Repeat. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel d'urgence de Love in Fun sur Fun Radio. Exactement, d'ailleurs si vous voulez faire l'appel d'urgence, si vous avez un vrai problème qui débarque là, 01 42 48 5000. Et là c'est Gaël qui est avec nous. Gaël. Oui. Bon, Gaëlle qui voulait des conseils, si vous avez aussi d'autres problèmes, hein, que ce soit des problèmes sexuels, des problèmes n'importe lesquels dans l'absolu. Hein. Le doc est avec nous évidemment pour répondre à toutes vos questions. Et Karima, je rappelle que son fantôme est là puisqu'elle regarde le PSG face à Montpellier. Mais non, absolument pas, je suis avec toi Gaëlle. Et c'est un partout, voilà, 01 42 48 5000. Alors Gaëlle, donc toi tu nous avais appelé parce que t'es avec un mec et l'ex de ce mec habite à emménager dans l'appartement voisin du vôtre. Oui, et que surtout ça. Elle kiffe encore le mec. Oui. Voilà, et tu voulais savoir comment faire pour t'en débarrasser une bonne fois pour toutes, puisque visiblement, elle te prend la tête. Alors, on avait essayé plusieurs solutions. Il y a également Chris de Valence qui est avec nous. Salut Chris. Salut tout le monde. Salut Chris. Alors moi, c'est un petit peu particulier aussi. C'est pas la même situation, mais j'ai ma copine, en fait, qui vit avec son ex, qui est actuellement son beau-frère. Quoi? Attends. Quoi? J'ai pas suivi. Donc, elle vit avec son ex, qui est son beau-frère. Donc, ça veut dire que sa sœur se tape son ex. Non. Ah, son frère, en fait, donc sa mère s'est mise avec son père, à ce gars. Et en fait, ils vivent ensemble, du coup. Okay. Et du coup, voilà. En fait, c'est devenu son demi-frère, pas le beau-frère. Ouais, mais c'est parce que ça. Ouais, je me suis embrouillé, oui. Ouais. Oui, parce que le beau-frère, c'est quand tu sors. Oui. Enfin, bref, c'est pas ça. Bon, donc demi-frère, très bien. Alors, si t'imagines un peu l'ambiance à la maison, ça va, ma chérie, le lendemain? Ça va, frérot? Oh l'horreur, oh l'angoisse. Déjà en plus tes ex, normalement t'as plus envie de les voir. Maintenant tu les vois tous les jours et c'est ton frère. C'est clair. Bon, et donc du coup Chris, alors comment ça se passe? Bah au début j'avais un petit peu de mal, on va dire, quand elle me l'a annoncé. Et puis bah finalement bah tu fais avec, hein. De toute façon t'as pas le choix. Et puis confiance, il n'y a que ça qui marche. Et derrière bah ça se passe bien. Je sais que son mec, son frère, son ex, il est venu me parler. Son mec, son ex, son frère. Ouais, c'est perturbant pour moi aussi. Bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Mais elle a douillé un peu cher, hein, parce que du coup il a fallu être H24 avec son ex, c'est pas facile quoi. Ok. Mais là c'est différent parce que vous visiblement ça se passe encore bien. Mais le problème avec Gaëlle, c'est que l'ex, en fait, elle veut absolument récupérer son mec. Oui. Elle l'agresse, elle lui envoie des petits mots. Bon, elle la défie. Oui. Enfin, un truc de meuf, quoi. Moi, je pense que c'est quand même un peu étonnant que ton mec actuel ne mette pas un peu les choses au clair. C'est-à-dire que si ça lui convient, c'est bien, mais moi, je pense que c'est lui qui devrait être encore plus gêné que toi. Ouais, Gaël, donc, ton mec, il est jamais monté la voir? Ça l'intéresse plus. Oui, l'ignorer, ça peut être une solution. Oui, oui, mais bon, l'ex de ton ex insulte ta copine actuelle, tu montes, tu fais le bonhomme. C'est ça, faut lui dire. Tu te calmes. Faut que ton mec Gaël aussi, il ait une conversation, qui joue le bonhomme quoi, à un moment donné, tu vois. Oui. Il y a un moment, voilà. Mais voilà, il y a un moment, faut que tu lui expliques, faut que tu lui dises, écoute, moi ça me plaît plus. C'est-à-dire qu'il y a ton ex qui est là, ça c'est déjà un peu chiant, mais en plus de ça, elle vient nous prendre la tête tout le temps. Il y a un moment, faut montrer qu'elle est bonhomme quoi. C'est à lui de prendre les décisions, sauf si effectivement, comme Karima le disait, lui ça lui convient. Si ça se trouve, une fois que tu vas dormir, il va prendre une petite cartouche. Il va en mettre, mais après il fait ce qu'il veut. Hein. Ah oui, après je sais. Ah, tiens. Bon, dis-moi, t'en es où là? T'as un point où ça perturbe vraiment votre relation? Vous disputez, vous engueulez ou pas? Non, pas du tout, non. Notre relation marche très bien, non. Oui, bon. Ouais, c'est juste toi, c'est normal, mais je la comprends. Donc t'imagines, tu reprends ta boîte aux lettres. Je te dis, il faut garder de la distance dans ces cas-là, parce que si vous rentrez en contact avec elle n'attend que ça. Elle provoque. Que justement, on puisse y aller, qu'il y a un scandale, voire même que vous tapiez dessus, et ainsi de suite. Donc ça, c'est sûr, c'est une façon de maintenir le lien. L'autre façon, prendre la distance, effectivement, s'il y a des faits matériels tels que tu les décris, c'est-à-dire des insultes par des petits papiers dans la boîte aux lettres et tout ça, tu as le droit. Moi, ça paraît comme ça un peu exagéré, mais je crois pas, parce qu'à un moment donné, il faut savoir se faire respecter, parce que sinon, on n'arrive pas à bien vivre. Quelqu'un qui te harcèle comme ça, il peut te miner le moral jusqu'à effectivement déclencher chez toi des troubles psychologiques. Mmh. C'est comme ça que ça se passe. Donc, fallait voir le commissariat et lui dire, voilà, j'ai une plainte à déposer. Bon, voilà ce qui se passe. Tu déposes ta plainte et là, obligatoirement, elle est convoquée. Donc, quand elle va avoir l'inspecteur de police devant les yeux, Je sais pas si elle va faire la maligne longtemps. Alors, faut que tu aies des preuves. Tous les petits papiers, oui. Tu les gardes. Tu les et t'enregistres quand pas. Elle gueule, quand elle voilà. T'insulte, etc. Tu voilà. Prends avec ton téléphone, t'enregistres les moments où tu sors. Et là, elle va mourir. C'est la seule façon, et à mon avis, comme elle va voir que tu te défends et de la manière la plus élégante, c'est-à-dire que tu vas pas lui coller une tarte dans la figure parce qu'elle attend que ça. Sinon, on t'envoie le doc, il va lui montrer comment ça marche, lui. Oui, voilà. Il va montrer que ça marche, la vie, ouais. Il y a Kevin qui a une bonne idée sur Facebook. Dis à ton mec de te faire l'amour et gueule bien fort. Bon, après, tu peux simuler, hein. Il est pas obligé de faire l'amour. Tu peux simuler là maintenant. Oh, c'est génial! Enfin, tu vois. Oui, mais ou ça... alors, comme t'as dit le doc tout à l'heure, tu peux prendre le téléphone, sortir de chez toi, monter et on lui parle. Non, je n'ose pas trop, parce que moi je suis quelqu'un assez réservé, donc... Ouais. Non, mais tu lui tends le téléphone. C'est bien. Après, tu lui mets un coup de boule. C'est bien. On va t'envoyer Karima, pardon. Elle le sait, donc... Encore une fois, tout bourreau a sa victime, mais il ne faut pas être victime. Il faut savoir se défendre de la manière la plus intelligente et la plus ferme, ok? Ok. Bon, allez. Ne sois pas victime. Allez, courage, Gaëlle, et encore une fois, tiens-nous au courant. D'accord. Bon, ça marche. Salut Gaël, gros bisous, ciao à toi. Salut. Chris, merci pour le coup de main également. Toi aussi, tu reviens quand tu veux. Ça marche, bonne soirée tout le monde. Et continue comme ça. Bientôt. Bisous Chris. Salut Chris, ciao à toi. Il y a Eddie avec nous maintenant là. Bonsoir Eddie de Montpellier. Salut. Un partout pour Montpellier. Tu suis un peu là, Eddie, ou pas? Pardon? Tu suis un peu le foot ou pas? Bah oui, bien sûr. Ah bah un partout là. Un partout face à Paris pour l'instant. Il y a des chances, hein. Parce que, disait Karima, qui est une grande spécialiste sportive, le PSG joue mal. Non, ouais, il se relâche dans les matchs comme ça, sans manquer de respect à Montpellier. Mais bien évidemment. On les intimide de trop. Ouais, voilà. Enfin, là, il y a un joueur de Montpellier qui vient de mettre une main en face à Cavani. Je dis ça, je dis rien. Hein. Quand c'est Marseille, tu ça s'amuse sur le terrain. Quand c'est Marseille. Ah bah oui, là. Non, Marseille, j'ai de la peine pour eux, je les attaque plus. C'est encore pire. Et ne parlons pas de Bordeaux. Oh non. Eddy, 19 ans toi, et qu'est-ce qui t'amène? Bah en fait hier j'écoutais la radio et en fait j'ai entendu parler de Petfou. Et en fait ça m'arrive avec ma copine et j'aimerais qu'on en parle un peu pour avoir un peu de conseils quoi. Ah bien sûr, avec plaisir. Mais ta copine fait des Petfou? Qu'est-ce qui se passe dans quelle situation? Bah en fait quand j'ai des relations avec des filles, je les prends le vrai. Bah dès que ça rentre et ça sort, et bah ça fait un Petfou. Ah mais ça c'est l'air. Bah tu fais rentrer de l'air. Hein. Bah voilà, il faut pas. Ouais, je sais, mais ça me dégoûte et ça me fait carrément débander, quoi. Ah bah oui, c'est comme un P, bon, quoi. Attends, non, c'est pas comme un P. Non, mais en termes de bruit. En termes de bruit, je parle pas de la flatulence en soi. Ouais, voilà. Et c'est surtout, c'est pas... Alors, non, c'est pas la même chose parce que le P, il faut quand même se relâcher. Le P, c'est volontaire. Là, c'est absolument pas volontaire. Il y est strictement pour rien. Donc déjà, c'est quand même une première chose. Faut que tu comprennes, Eddy. D'accord? Et en plus, c'est toi qui le crée. Parce que c'est toi qui fais rentrer l'air. Ouais, mais sur le coup, je sais pas, je me sens con et elle doit sentir con aussi, je pense. Quoi. Oui, mais c'est dû à quoi, ces paix? C'est l'air. C'est l'air, mais je veux dire, parce qu'il y a des mecs, enfin des filles à qui ça n'arrive pas. Non, mais... le vagin est bien contracté, il n'y a pas d'air dans le vagin. D'accord. Donc, quand il y a de l'air, il s'expulse naturellement et très vite. Mesdemoiselles, si vous savez faire des paix de fauve, téléphonez. Oui, parce que Karima a essayé, mais elle a pas réussi. Non, j'arrive pas, moi. Voilà, elle arrive pas, c'est dingue. Hein. C'est comme ceux qui font des roues, moi j'arrive pas non plus. Des quoi? À faire des roues. Ah si, non, je sais pas. Bah si, vas-y. Allez, Karima, non, là. Non, je sais pas faire. Karima, bon, Karima. Je te jure, Ludo, il sait faire au standard, moi je sais pas faire. Eddy, t'as quand même pas au point de quitter ta copine pour ça, quand même. Non, pas à ce point-là, mais bon, c'est un peu nuisant pour les rapports, quoi. Ouais. Mais non, oui, plus ou moins. C'est un peu anti-sexe, quoi. C'est un pas très glamour. Mets-toi des boules caisses, enfin, je sais pas. Oh, bah, génial, les boules caisses. J'ai envie de l'entendre crier, j'ai pas envie d'entendre. Ah, bon, bah, tu vois, non, mais surtout, ne prends pas ça comme. Non, mais c'est que quand je suis en levrette. Dans les autres positions, ça peut pas. Ah, bah, change de position. Les autres positions. Ouais, mais non, c'est ma préférée. Ah bah oui, mais écoute... Alors quand tu la prends en levrette, tu mets les boules caisses juste à ce moment-là. C'est bien parce que c'est ta préférée, à mon avis, tu vas pas avec le dos de la cuillère, tu dois être assez... assez actif. Avec le dos de la cuillère. Et comme t'es bien actif, tu rentres tellement bien, tu sors, tu fais rentrer de l'air. Alors enfin, voilà, vas-y plus doucement. Vas-y, tranquille. Non. Et puis sinon, Eddy, après, c'est pendant la levrette, t'as qu'à mettre la radio, ou tu mets de la musique, ou la télé, ou j'en sais rien, tu regardes les infos, tu regardes BFM. Hein, hop, ouais, BFM télé. Tu mets Fun Radio, tu nous écoutes. Tu mets ton doigt et c'est pareil. Oui, c'est une idée également. Ouais, ou tu parles au même moment. Enfin, il y a des solutions, Eddy. Maintenant, là, elle y peut rien. De toute façon, elle a pas le choix. Hein. Ouais, je sais que c'est pas de ta faute, mais bon. Bah voilà, faudra faire avec. C'est pas volontaire du tout. Faudra faire avec. À la différence des paix anneaux. Exactement, qui eux peuvent être totalement volontaires, bien sûr. Bon, Eddy, allez. Je veux même pas te souhaiter bon courage parce que lui il a un problème parce que quand il baisse sa meuf ça fait un petit peu de bruit. Bon bah ouais. Pas très grave. Non, mais je vais essayer la musique, ça a l'air pas mal. Bah essaye la musique, ça peut être un bon plan, tiens, tout à fait. Salut Eddy. Salut. À bientôt. Ciao à toi. On aura Sophie dans quelques minutes. Bonsoir Sophie. Salut. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et vous? Oh oui, ouais, très bien Sophie. On parle de quoi avec toi? En fait, mon ex me demande de maigrir si je veux revenir avec lui. Bon, on va en parler dans quelques minutes. Eddie, tu restes avec nous. C'est de l'amour, ça. Ah ben grave. On aura Manon également. Bonsoir Manon. Bonsoir. Salut. Comment vas-tu? Bah ça va, tranquille et vous? Tranquille aussi Manon. Qu'est-ce qui t'amène? Bah c'est pour un peu raconter ma petite vie avec mon copain parce que genre ça fait 2 ans que je suis avec lui. Mais au début de notre relation, enfin je pensais pas que ça allait durer moi là. Enfin on vit le grand amour là actuellement. D'accord. C'est cool. Bon, et donc ça dure? Bah ouais ça dure, mais le souci c'est qu'au début de notre relation je l'ai trompé. Ah wow. Parfait Manon, ne bouge pas de là, on va en parler. Puis on aura même Bérangère avec nous. Que des filles, c'est parfait. Bonsoir Bérangère. Bonsoir. Salut. Salut Bérangère. On parle de quoi dans quelques minutes avec toi Bérangère? La différence d'âge avec mon copain, il a 18 ans. Et toi tu en as 25? Oui, 25. Bon bah, très bien, bah, y a pire encore. Ah, Bérangère, reste avec nous, ne bouge pas, on va en parler avec toi dans quelques minutes. 01 42 48 5000 si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. C'est Lovin Fun avec le doc Karima et moi-même jusqu'à 23h. On écoutera les souhaits Calvin Harris également, Under Control sur Fun. Lovin Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Lovin Fun. 20h, 23h. 01 42 48 5000. Avec le doc, Mickaël et Karima. Sur Fun Radio. Exactement, et Karel bien sûr qui n'a pas été viré, rassurez-vous. Il est simplement malade avec la gastro. Il demande s'il reviendra un jour. Ouais. Bah écoute, il devrait être de retour demain. En attendant, je l'ai remplacé hier, je le remplace ce soir. Et puis de toute façon, on se retrouvera aussi en mode normal pour ceux qui ont l'habitude de ma voix, mais pas dans Lovin' Fun, dans Mickaël No Limit à partir de 23h. Exactement. Et Karima normalement qui reste avec nous jusqu'à 2h ce soir. Merci Karima, c'est cool. Non, j'étais pas au courant. T'as vu comment elle est? Tu t'as peux appeler ma mère, s'il te plaît, pour lui demander si j'ai le droit de rester. Bah pas de problème, on l'appelle en direct, moi j'ai pas de problème. Tranquille. Bon, Lovin' Fun en attendant avec une heure sans pub maintenant, c'est parti jusqu'à 23h évidemment. 01 42 48 5000. Et puis qui peut battre le doc? Vous pensez être plus fort que le doc? Qui sera plus fort que Wikipédia? Il vient de Briançon, il s'appelle Steven, il a 14 ans. Coucou Steven, c'est quoi ta question pour le doc? Coucou l'équipe, ça va? Salut, ça va et toi? Oui. Allez Steven, bonne c'est année. Quoi ta question? Bon, ma question c'est quel est l'inventeur de la machine à laver? Monsieur Lavé. De la machine à laver. Mais quel type de machine à laver? À la main ou la toute première machine à laver. Ah c'est monsieur a... c'est monsieur Laden. Ben. Non. J'ai voulu rire à cette vanne d'une pourriture incroyable. Pardon. Mais effectivement, je suis en train de boire. C'est arrivé, mais il y a eu un petit lag. Donc. Il faut savoir que le doc est pété de rire, là. On vous la répète pas, mais si vous l'avez c'est compris. C'est une marque de machine à laver, non? Ouais. C'est vrai, oui, de frigo également. Mais enfin bon. Donc, du coup, alors. C'est ta dernière réponse? Ouais. Ton dernier mot? Est-ce que tu veux faire appel à un ami? Il est mort de rire, il n'a plus répondre. Bon, du coup, le Steven. Pas de bonne réponse. Quelle est la réponse, la vraie? La bonne réponse est Jacob Christian Schaeffer. Ah Steven. Oui, d'accord, ah bah, oui, j'ai bien connu. Steven. Nous nous coucherons moins j'ai ce soir. J'ai bien connu, oui, j'ai bien connu. Oui, Steven, Karima. T'as battu le doc. Eh ben bravo. Bah, oui. Félicitations. Bon, merci. En tout cas, tu l'as fait rire. Donc et en plus, t'as droit à ton diplôme et au pack Lovin' Fun. Oui, alors diplôme qui plus est certifié tamponné. Ah ouais. Attention. Ah, c'est gentil. Et t'auras peut-être la blague du doc en plus, il l'écrira sur un bout de papier. Ça marche. Salut Steven. Salut. Allez, salut. À bientôt. Ciao à toi Steven. Bon, et eh ben si vous voulez vous aussi tenter votre chance, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 et puis on accueille Sophie avec nous maintenant de Sainte, 22 ans Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Salut. Toujours bien? Ça va. Bon, alors Sophie, donc qu'est-ce qui t'amène? Bah en fait mon ex m'a demandé de maigrir si je voulais revenir avec lui. Donc vous êtes quittés? Oui, donc on s'est séparés en août, ça faisait 4 ans et demi qu'on était ensemble et là maintenant il me dit que je lui plais beaucoup intérieurement, on va dire, mais que voilà, il veut que je perde du poids pour revenir. Mais bien sûr. Bah, tu pèses combien? T'es ronde ou t'es normale et que le mec il est un peu casse-couille? Bah je fais 72 kilos pour 1m70 quoi. Oui, bah, attends, c'est pas 72, dramatique. Ça, hein. Ah, c'est pas dramatique, elle est pas. C'est ta nature, surtout, ne la change pas. T'es bien. Et après, dans ta ça peau. Dépend quelle est ta tour de poitrine, parce que ça se trouve tout le kilo est dedans. Hein. Non, mais c'est vrai, si tu fais un 90E par exemple, bah oui, il y a du poids dedans, hein, ça c'est indéniable. Mais non, c'est pas le cas. Ah, bon, et auparavant, t'étais comment? Est-ce que t'as vraiment pris du poids? Ah non, j'ai pas pris de poids, j'ai toujours été en pareil. En plus de ça, il t'a toujours connu comme ça. Toi, tu te sens bien dans ta peau, Sophie, ou pas? Bah, pas vraiment. Bon, on va dire que ça fait des années aussi que j'essaye de perdre du poids et que j'y arrive pas, mais... Alors, voilà. Le sperme, on en parlait juste avant. On en parlait il y a une heure et demie avec Karima, ça marchait. Hein, ouais. Est-ce que tu fais du sport? Non. Tu devrais faire du sport, c'est la première chose. Non mais attends, la vraie question Doc, c'est son mec, pour qu'elle revienne, bien lui sûr, demande de maigrir, est-ce que toi Sophie, t'es capable de faire ça pour ton mec, est-ce que t'en as vraiment envie? Parce que moi, si tu veux mon opinion de fille, elle est vite trouvée, je crois qu'à Menton, tu l'as compris. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, elle accepte. Non. Sophie. Jamais, tu perds du poids si toi, tu te sens mal dans ton corps, tu perds pas du poids pour quelqu'un d'autre. C'est surtout... Encore moins si tu te le demandes. Voilà, c'est surtout l'attitude de ce garçon que tu dois bien comprendre, parce que pour te parler comme ça, c'est qu'il te méprise profondément. Parce que d'abord, quand on a des sentiments, s'il revient avec toi, c'est parce qu'il a des sentiments, on est d'accord. Oui. Alors s'il a des sentiments avec toi, il n'a aucune raison de te blesser de la sorte. C'est une façon tout à fait gratuite d'aller mettre le point sur quelque chose qui est en plus te complexe. Donc c'est une façon finalement de te rabaisser. Tellement. Et ça, il faut bien que tu vois. Mais pourquoi tu t'accroches à ce mec? Bah, je sais pas, c'est un peu mon point de repère, qu'on a vécu 4 ans et demi ensemble. Est-ce que t'as des trucs à lui reprocher à lui aussi? Est-ce qu'il a pris du poids? Parce que généralement, les mecs, quand ils sont en couple, à un moment donné, il perd les cheveux, il prend le petit bidon, la petite Heineken qui va bien. Ouais, mais chez le mec, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Ah non, moi, je ne comprends pas. Parce que le mec, l'homme est moche, à la base. Non, mais tu vois, en plus, Sophie, elle nous dit que, voilà, elle aussi, elle aimerait bien perdre du poids, mais elle y arrive pas. Le mec, il la rabaisse et il lui dit ça va pas. T'as je suis désolée, quand t'aimes quelqu'un, tu dis pas des choses pareilles. T'as deux niveaux, Sophie. Le premier niveau, c'est que tu as à faire le deuil d'une relation que tu ne veux pas faire. Ça, c'est la bonne question à te poser. Pourquoi tu t'accroches à lui? Tu sais, quelquefois, on a tendance à s'accrocher au passé, alors que ce passé ne veut plus rien dire. Il faut oser regarder devant. Et devant, c'est pas avec lui, visiblement, parce qu'il n'aurait pas eu cette attitude-là, s'il t'avait dit ça. En tout cas, méfie-toi de quelqu'un qui te fait marcher comme ça, qui est une façon un petit peu tordue de te faire souffrir, parce que ça lui fait peut-être plaisir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ton physique. Pour prendre confiance en toi, ce physique, il faut que tu te l'attribues, il faut que tu en prennes possession. Et tu en prends possession, d'autant plus que tu le feras travailler, ce corps. Tu le feras travailler en faisant du sport. Ça, c'est important. Pas forcément un sport extrême, mais des sports simples, parce que ça va t'aider à apprivoiser ton corps. Et puis peut-être, alors la dictature du poids, encore une fois, ça c'est une erreur. Sachez que c'est pas une question de nourriture. On a un peu plus de poids, c'est génétique. C'est inscrit dans les gènes. Ne deviens pas gros qui veut, ne maigris pas qui veut. Donc c'est sûr que je peux devenir gros si je veux. Oui, je sais, mais tu l'as d'ailleurs, c'est pas grave. Exactement, non, c'est pas grave. Mais il a raison. Moi-même d'ailleurs, je vais décider de faire régime 10 kilos. Oui, pour le doc. Sophie, c'est ça que tu dois comprendre. Donc ne t'accroche pas à lui, franchement, parce que il ne te respecte pas. Comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas? Sophie? Oui. J'ai vu que tu avais laissé son numéro de téléphone à ton ex. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle? Est-ce que tu veux que le doc lui parle? Parce que moi, si je lui parle, je peux être un petit peu agressive. Mais le doc, non. Mais moi, je peux l'appeler. Moi, je suis doux comme un agneau. Non, moi, je veux protéger Sophie. Je ne comprends pas qu'un mec dise ça à sa copine. Je suis désolée. C'est vraiment pas bien. Les gars, si vous m'écoutez, ne faites pas ce genre de choses. Bouh, c'est mal. Non, vous allez vous faire frapper par Karima. Franchement, j'arrive et je vous tape tous. Elle est agressive. Non, mais surtout, s'il a pas envie d'être avec toi, vaut mieux être honnête. Dis non, j'ai pas envie que ça continue. Au moins, c'est clair. Bon. Voilà, plutôt que de faire croire que éventuellement il pourrait revenir, si, avec des conditions, ça ne veut pas dire grand chose. Et franchement, Sophie et toutes les filles, si un jour vous voulez vraiment perdre du poids ou autre, faites-le pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, et encore moins si on vous le demande. Et tu vois, ça, c'est le genre de choses que tu fais quand tu veux changer de bagnole. Effectivement, tu la trouves pas très bien, t'en veux une autre. Donc tu changes de bagnole. Mais pas dans les relations humaines, parce que là, c'est pas correct. C'est pas correct. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle, Sophie? Est-ce que tu veux que le doc lui parle? Bon, comment il s'appelle, cet enfoiré? Mathieu, très bien. Non, bon. Mais peut-être qu'il n'a pas le courage de dire les choses, on va voir. Bah, on verra bien, de toute façon on l'appelle. Donc c'est le doc qui parle? Bah oui. Bon, très bien, allez. De ta part, Sophie. Je bien évidemment. Je t'ai parlé, hein. Oui. Mathieu. Je suis le papa de Sophie. Ta gueule à la récré. Exactement. Ça se trouve, il n'osera même pas décrocher. Ça se trouve, il écoute, il a eu peur. Il a peur de Karima, c'est ça. Bon, promis Mathieu, je l'attache dans un coin du studio. Mathieu ne répond pas. Et elle sera muselée. Mathieu, décroche, s'il te plaît. Là, il était avec une autre. J'ai très envie de te parler, Mathieu. Ouais, bah lui pas. Mathieu. Bonjour. Ah, merde. Bon, Sophie, malheureusement, c'est perdu. Alors, soit il écoute et il a pas les couilles, c'est dommage. Sophie. Soit il est occupé à se taper une autre. Bon, tu es vendeuse, c'est ça? Ton métier, c'est vendeuse, c'est ça? Oui. Tu vends quoi? Oui. Oh bah, c'est un magasin de déstockage, donc un peu de tout, on va dire. Oui, d'accord. Non, parce qu'il demande des... Ah bah bien sûr, bah c'est pour savoir, des fois que tu vendras un truc qui m'intéresse, moi je viendrai si tu as un prix. Hein. Voilà. Non, mais surtout, voilà, fais ça pour toi, Sophie, tu vois, fais pas ça pour lui ou autre, accepte-toi. En plus, si tu dois être hyper jolie, etc., et tu dois pas laisser quelqu'un te parler comme il t'a parlé. Attends, il y a aussi. C'est vrai qu'après, c'est un peu mon point de repère, quoi, parce que pendant 4 ans et demi, je me suis dit. Parce que ça a été un moment de ta vie, oui. Ça a été un moment de ton histoire, ça a été un moment de ton parcours et ça a forgé un petit bout de ta personnalité, mais t'as que 22 ans. C'est clair, attends, il y a Dina aussi qui voulait réagir. Ouais. Dina de Rouen, salut Dina. Salut Dina. Oui, bonsoir. Comment ça va? Salut tout le monde. Bien, très bien. T'es à Rouen, c'est ça? Oui, je suis à très Rouen, bien. Ouais. Parfait. Lilou, et c'est pas avec un A à Rouen. Dina, alors... C'est... Bon, je voulais... Non, c'est non, il n'y a rien contre Rouen, il y a juste une petite faute d'orthographe. Ah oui, non, mais c'est parce que... C'est Ludo, mais il vient du Sud, c'est normal. C'est non, bon, c'est genre, Rouen. Genre. Bon, alors, Dina, tu voulais réagir à Sophie. Est-ce que ton mec t'a déjà demandé aussi de faire régime, de te mettre au régime? Non, pas du tout, mais bon, moi, comme je suis, c'est tout le contraire, j'étais toute petite, toute migration, donc on me faisait des reproches, on me faisait des remarques, et ça, c'est depuis mon adolescence. Ouais. Donc, et à un moment, ce qui s'est passé, que j'ai tellement essayé de me changer physiquement à l'extérieur, que je me suis retrouvée avec les plaques nerveuses, c'est-à-dire j'ai perdu mes cheveux. Ah ouais, donc, carrément. Ah ouais, et c'est pas, voilà, c'était tellement stressant au bout d'un moment, et que j'ai essayé de colorer, de changer, de faire des trucs pour être plus belle, pour plaire à mon mari, si vous voulez. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, je me suis retrouvée obligée de couper mes cheveux qui étaient jusqu'à la taille, donc je les ai coupés vraiment à la peigne. Ouais, d'accord. Et donc, et puis je me suis dit, tant pis, voilà, j'ai envahi ce balade de tout le monde. Je me suis dit, je suis telle qu'elle. Voilà, je suis peut-être maigre, mais bon, je me suis dit, voilà, je suis comme je suis. T'as appris à t'accepter. Et, voilà, il faut, il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est. Et remercier, disons qu'il ne faut pas se prendre la tête avec des petits détails. Remercier, voilà, tous les soirs, se coucher et dire, écoutez, tout va bien dans ma vie, tout est bien. Bien sûr, il faut voir le côté positif, pas le négatif. Et lendemain matin, on est tellement content d'avoir tout, parce qu'il faut y penser aux gens qui ont rien. Et c'est vrai que à part rapport à tout ça, c'est vrai que c'est difficile de le faire. En parler, c'est facile. Mais voilà, je dis à toutes les filles, arrêtez de vous prendre la tête. Vous êtes telles que vous êtes belles comme vous êtes. Et voilà, c'est dis-moi, comment tu sais quoi, c'est ma nouvelle meilleure amie. Les stéréotypes. Non, mais dis comment, voilà. comment il a réagi, ton mec, puisque tu faisais tout pour un mec. Ah bah, du coup, le même tel que je suis. Le moment que moi, je m'aime comme je suis, il faut s'aimer tel que vous êtes. Le moment que vous aimez tel que vous êtes, les autres vont vous aimer, c'est automatique. Tout à fait. Et puis ceux qui vous aiment pas, ils regardent ailleurs. Cela dit, je vais simplement donner une information. Il est normal, quand on sort de l'enfance et qu'on devient adolescent, et pendant un certain temps, ça peut aller jusqu'à 23, 24, 25 ans, 30 ans, parfois plus loin, mais en général, ça passe entre 20 et 25, c'est qu'on n'aime pas son corps, on n'aime pas comment on est, ce corps qui a changé, on n'est pas à l'aise dedans, on lui trouve des tas de défauts que les autres ne voient pas. Il faut effectivement prendre confiance en soi. Et c'est pas tant en allant essayer de gommer des petits défauts physiques, mais plutôt effectivement en s'affirmant dans la vie. Et on s'affirme dans les relations avec les autres, bien sûr, on s'affirme en ayant des activités qui vous valorisent, et c'est pas uniquement les études, bien évidemment, et puis aussi en essayant de trouver une activité qui vous conduise dans la vie, et avoir une situation qui vous convienne. Voilà Dina. Mais merci beaucoup Dina, en tout cas, d'être merci passée. Dina, je te fais des gros bisous. Et c'est bien d'être positif comme ça, continue. Bah oui, dès qu'on est positif, tout est positif. Exactement. Voilà, Sophie. Gros bisous, Dina. Bisous, merci, bon Sophie. Et voilà. Bon, voilà. Bon, moi, t'as toutes les infos maintenant, Sophie. Hein, et te laisse pas faire. Sois bien dans ta tête et dans ton corps, et à partir de là, tout roule. Bah oui. Bon courage, Sophie. Je te fais des bisous. Sophie. Je te fais des merci bisous, Sophie. Bien. Je t'embrasse. À bientôt. On aura Manon dans quelques minutes. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Salut. Manon de Paris, 21 ans. Et qu'est-ce qui t'amène? On parle de quoi dans quelques minutes avec toi? Je voulais vous parler parce que voilà, ça fait 2 ans que je suis avec mon copain. Ouais. Et au début de notre relation, c'était pas vraiment sérieux. Et je l'ai trompé plusieurs fois. Et là, il me demande en mariage et tout ça. Enfin, il commence à me parler de mariage, tout ça. Et bon. Bon, t'es perturbé. Bon, on en parle dans quelques minutes, Manon. On a bien compris ça, t'inquiète pas. 01 42 48 5000, si vous voulez nous appeler, c'est Lovin' Fun jusqu'à 23h. Et je l'avais promis au cœur d'une heure sans pub. Alesso et Calvin Harris, c'est Under Control. Under Control. Alesso et Calvin Harris, c'était Under Control sur Fun. Jusqu'à 23h. Lovin' Fun. Prenez sur Fun Radio. 01 42 48 5000 pour nous appeler, c'est Love in Fun jusqu'à 23h avec le doc à mes côtés, avec Karima également. On est là. Et puis avec Karel qui est toujours évidemment sur ses shows puisqu'il, je le rappelle, a la gastro depuis hier. Hein. Ouais. Voilà, donc il sera probablement de retour demain. Mais ou c'est pas. Ce que j'avais déjà dit hier. Donc oui. je vais pas. Si il m'a envoyé un message à 20h, il m'a dit qu'il serait là demain. Ouais, mais à 23h, il l'avait dit aussi, hein, qu'il serait là. Oui. Hier, il pourtant, l'a dit regarde aujourd'hui où j'en suis. Hein. Donc on verra. Voilà, demain le retour probable de Karel, mais sans certitude. Quoi qu'il en soit, Love in Fun sera là, il n'y a aucun problème. On a également tout à l'heure, ah oui, c'est, je pose la question avec Karima, avec le doc, est-ce que vous avez déjà fait des plans en plusieurs? On en parlera avant la fin d'émission. Donc on si parle vous de avez ça déjà... pendant les pubs. Donc ah, elle a dit oui, donc non, oui, on a parle déjà de... fait. Hein. Non, oui, si on la mère parle de Karima écoute, qu'elle le sache, hein, donc sa fille a déjà pratiqué non, à plusieurs. Non, jamais. Un gangbang. Oh non, c'est dégueulasse, Karima. Écoute, bon, 01 42 48 5000, appelez-nous, on en parlera tout à l'heure. Bon, si vous avez honte, vous voulez pas qu'on vous reconnaisse, évidemment, vous pourrez changer votre prénom, votre ville, votre âge, peu importe, on s'en fout. Nous, c'est pour l'histoire, évidemment, c'est l'histoire qui nous intéresse le plus. Ouais. 01 42 48 5000. On a eu Manon juste avant le son d'Alesso et Calvin Harris, et nous récupérons Manon comme promis. Manon de Paris, 21 ans, donc 101.9 pour écouter Fun à Paris. Et qu'est-ce qui t'amène, Manon? Ben, donc je vais expliquer que là, ça fait 2 ans que je suis avec mon copain. Et aujourd'hui, on est, enfin, au début de notre relation, on était un peu en, disons, en relation libre. Donc, nous, je sais pas ce qu'il a fait de son côté, mais moi, voilà. Et là, en ce moment, il commence un peu à me parler de mariage, tout ça, et je me sens un peu mal parce que... Bah, félicitations! Bah oui, mais bon, ça se passe bien, et au début, c'était pas sérieux, donc ça saoule. Marion, tu sais, faut regarder devant, faut pas regarder dans le rétroviseur. C'est pas le même engagement. Au début, tu l'as dit toi-même, tu décris la relation comme étant effectivement épisodique, voire pas sérieuse. Bon, très bien, t'es pas obligé de lui raconter tout ça. Ce qui compte, c'est l'engagement que tu vas prendre avec lui. Là, dans ta tête, t'es fidèle et t'as pas envie de le tromper. Non. Tu l'aimes maintenant? Voilà. Bah ouais. Ça a évolué. Non, c'est mignon. Tu te vois pas sans lui? Non. Alors au début, ça compte pas? Non, mais après, est-ce qu'il faut que je lui dise? Non. Mais pourquoi? Pourquoi tu vas lui dire? Tu vas sûrement briser. Parce que je sais pas, faut être honnête, c'est pas après. Oui, mais au début, c'est pas pareil. Vous étiez pas encore rentré dans cette relation d'amour mutuel. Au début, vous vous fréquentiez, puis tu vas voir à côté pour voir s'il y a pas mieux, tu testes. Tu vois, on le fait toutes et on le fait tous, enfin pas se le cacher. Là, t'es rentré dans une véritable relation d'amour avec lui. Dans un véritable échange, vous êtes à deux. Donc à partir de ce moment-là, t'as arrêté de le tromper. Ouais. Donc c'est à partir de ce moment-là que tout commence à compter. Bon, Manon, pourquoi tu veux effectivement, comme une preuve d'amour, à tout prix, finalement, te dévoiler totalement? Et je crois que dans une relation, il faut être sincère, il faut être honnête, tout à fait. Il faut respecter ses engagements. Mais de là, non, on ne dévoile pas tout. Parce que on est toujours un mystère pour l'autre. Et c'est une nécessité, parce qu'on ne peut jamais tout dévoiler à l'autre. Parce qu'il faut garder quand même une part de jardin secret. Alors, il ne s'agit pas de garder ça en jardin secret, mais ton idée, c'est pas tellement cette histoire que tu as envie de raconter ou pas de raconter, c'est que d'un seul coup, tu as l'impression que tu vas complètement t'abandonner, ce qui est une nécessité. Mais moi, je pense que tu vas garder une part de secret en ce qui te concerne. Surtout ça. Ce qui fait la qualité dans la relation, c'est ça, c'est le respect de l'autre. Et pour te respecter, il doit effectivement garder ce jardin secret intact et pas chercher à le dévoiler et pas tout. Et voilà. L'impression que dans un couple, il faut d'un seul coup. Voilà, il n'y a plus de limites. On faut fait tout donner, tout partager. C'est une erreur totale. Ouais. C'est comme ça qu'on va droit dans le mur. Il y a un truc quand même, si ma meuf me trompe, qu'elle ferme sa gueule, je ne veux pas le savoir. Mais si c'est un accident, alors si elle passe sa vie à voir à gauche, à droite, oui, j'aimerais bien qu'elle me le dise. Mais si c'est un accident, je ne veux pas savoir. Ouais, mais je vais te le dire parce que ça me soulage. Mais j'en ai rien à foutre. Hein. T'as été soulagé quand t'as été baisé ailleurs, mais bah, tu gardes ça pour toi. C'est ça, tu parce gâches tout. Même si au final, tu dis, bon, je pardonne, au final, tu le sais, il y aura quand même un malaise, etc. Et donc, t'as fait la connerie, bah, maintenant, t'assumes et tu le gardes pour toi et surtout, tu ne vas pas le dire. Voilà. C'est d'autant que c'est même pas une connerie. Tu le dis toi-même, mais c'est marrant parce que t'as la solution. Et c'est pas tellement l'histoire de dévoiler, c'est que d'un seul coup, comme il veut t'épouser, d'un seul coup, t'as l'impression qu'il faut que tu te donnes tout à lui. Elle veut laver sa culpabilité, je pense. Ouais, c'est ça. Mais ça, non, mais c'est pas bon. Et tu risques de le blesser, de casser ton couple pour un truc qui s'est passé au début et que ça comptait pas, quoi. C'est soit moi je nettoie ma culpabilité ou soit je lui fais du mal. Ouais. Pourquoi tu lui ferais du mal, là? Je comprends pas. En lui annonçant, ça va lui faire du mal au garçon. Non, mais ça sert à rien. Ouais, franchement, dans un couple, c'est qu'est-ce que vous avez à faire ensemble? Est-ce que vous êtes bien ensemble? Ça fait longtemps que vous connaissez, vous êtes heureux. C'est ça qui compte. C'est pas de savoir ce qui a pu se passer, parce que je pense qu'il y a des couples qui s'aiment beaucoup, qui sont globalement fidèles, même si, je vais très loin, ça va choquer certains, de temps en temps, il y a eu des petits coups de canif à droite à gauche. C'est pas le problème. Le doc est un dieu quand même. Ouais. Il a toujours la bonne parole. Non mais bah, donc si vous avez, si vous trompez votre copain ou votre copine, vous dites ouais mais doc a dit que. Est-ce que dans une relation d'amour vraiment partagée ou un soir certain, et je dis pas qu'il faut le faire. Voilà, vous avez été dans une situation particulière. Il faut le faire, c'est très bien. Voilà, et vous retrouvez à avoir une relation sexuelle avec, mais c'est ponctuel, ça va, c'est bon quoi. C'est votre affaire et gardez-le pour vous. Maintenant. Ouais. Ce qui compte, c'est le positif, c'est la qualité du couple, de votre échange. Voilà, c'est ça que tu dois avoir en point de vue. Le reste, t'oublies. Comme ça, tu sais tout, Manon. Ok, donc tu lui dis rien. T'as fait une connerie, t'assumes maintenant. Et puis, voilà, tu casses pas, tout le délire, parce qu'après, tu vas le regretter. T'auras été honnête, enfin, au final, entre guillemets, honnête, hein. Ouais. Et tu seras bien avancé, c'est puisque lui va se barrer probablement. C'est pas là que je place l'honnêteté. Exactement. Et donc voilà. Comme je l'ai dit hier, hein, pour ceux qui étaient là hier, ne jamais avouer. Non mais ça c'est autre chose encore. On en revient à ça quand vous faites une connerie. Si c'est un accident, fermez votre gueule. Non mais là, dans ce que tu dis, j'ajoute juste une chose. Shut your fucking face. Quelle est la qualité de votre relation? C'est ça qui compte. C'est pas de savoir si vous. Est-ce que vous êtes bien ensemble? Est-ce que vous avez plein de choses? Est-ce que vous vous aimez? C'est ça. Il n'y a que ça qui compte. C'est ça qui est important. À partir de là, forcément, on reste fidèle parce qu'on est bien avec l'autre. Ok. Allez, Manon. Gros bisous. Il y a moyen que je fasse une dédicace? Vas-y, Manon. Vas-y, surtout à lui. Je fasse une dédicace à ma famille et puis à mes chéris qui m'écoutent et puis elles se reconnaîtront, quoi. Voilà. D'accord. Mes chéris, parce que c'est lui, et maintenant il le sait. Hein. Ouais. C'est mes copines, c'est les filles. Elles se reconnaîtront pas. Ouais, parce que j'espère que ton mec n'écoute pas la radio, sinon t'es dans la merde, hein, pour le coup. Oui. Bon, Manon, je t'embrasse. Bisous. À bientôt. Salut, Manon. Et on a Bérangère avec nous maintenant, là, de Charleville-Mézières. Bonsoir, Bérangère. Bonsoir. Salut. Bonsoir Bérangère, qu'est-ce que c'est que cette voix de cochonne? Bonsoir. Non mais t'as pas de chance, t'as pas 18 ans toi. Ah oui c'est vrai, merde. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de mastiquer dans ma chambre. Voilà, discrètement évidemment, hein, discrètement des parents, etc. Bon Bérangère, t'as 25 ans, en plus être soignante, parfait. Tu as la blouse blanche? Oui, à la rose, mais bon c'est pas... Elle est rose? Ouais, bof, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu nous appelles pour ça? Oui, je vous appelle par rapport à mon copain qui a 18 ans et moi j'ai 25 ans. D'accord. Et donc par rapport au regard de la famille et surtout ses amis. Oui, bah après, lui, il va être content plutôt, non? Il doit être fier. Oui, il est content. Oui. Ah bah lui, regardez, je suis avec une vieille. Non mais ça fait combien de temps? Mature. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Elle connaît plein de trucs. Ça fait 15 jours. 15 jours. Oh, oh mais c'est rien ça. Mais comment ils sont déjà au courant, la famille, au bout de 15 jours? Bah l'autre, il a été spavané, tu penses? Parce que je l'ai amené chez moi et il y avait mon beau-père, donc il l'a croisé. Et alors, où est le problème? Il y a deux choses. Il est majeur, donc fais ce que vous voulez. Ok, 18 ans, il est majeur. Ça, c'est la première chose, effectivement. Bon. Deuxième chose, je pense qu'au début d'une relation, faut garder ça pour soi. On ne mêle pas la famille parce qu'il faut déjà voir si vous êtes bien ensemble. Si tu présentes tous tes mecs, qu'elle te reste 15 jours, ça va faire compliqué. Donc c'est tout, ta famille, tu le présenteras le jour où tu penseras que cette relation est sérieuse. Mais là, c'est trop tard, copain, ils se sont croisés. Copain. Oui, mais c'est un copain-copain, tu n'es pas obligé de dire plus que ça. Ouais. Tu n'es pas obligé de raconter que c'est l'amour de ta vie. Là, t'es pas obligé de rentrer dans les détails sexuels. Après, je l'ai fait parce que pour moi, c'est un coup de cœur. C'est plus qu'une petite relation. Et lui, il est d'accord? Ah oui, il est d'accord. Ah, bah, tu penses? Moi. Ah, bah, tu parles, lui, d'être content. C'est clair. Et c'est tout. Alors, pour te dire, bon, la norme sociétale, c'est vrai que quand c'est totalement injuste. Parce qu'un mec de 60 ans qui est avec une fille de 30, c'est normal. C'est pas grave, ça me choque exactement. Pas. Mais quand c'est l'inverse, c'est très troublant. Quand c'est l'inverse. Voilà, c'est ça. Oui. Mais non, mais attends, ça change. Car j'ai plein d'exemples où c'est ton écart d'âge, on connaît pas mal. C'est-à-dire une fille qui a 6, 7, 8, 10 ans de plus que le mec, ça existe, et beaucoup plus qu'auparavant. Ah bah oui, il n'y a qu'à voir dans les célébrités déjà à la base. Oui, oui. Mais il y a de l'argent aussi. Hein, donc c'est... Oui, mais des fois les mecs ils ont de l'argent aussi. Ah, tu penses que les mecs sont avec... Mais... Ah non, pas, je pense pas que, ça peut arriver, ça arrive souvent, surtout dans les célébrités, c'est vrai que ça arrive souvent, mais après... Oui, il y a plein d'exemples, c'est pour ça que je les cite. Centre-toi sur ta relation et la qualité, c'est la même chose. Voilà, vous êtes depuis 15 jours ensemble, t'emballe pas trop vite parce que l'amour, c'est l'amour. Être amoureux, c'est autre chose. T'es amoureux, est-ce que ça va durer? Est-ce que vraiment vous avez des belles choses à partager? Est-ce que vous êtes... Et peut-être que ça va être vraiment une très belle histoire, l'histoire de ta vie, l'histoire de sa vie aussi. Et peu importe la différence d'âge. Oui, ça se trouve. Si eux, ça les gêne. Il fait très très jeune par rapport à moi, en fait. Ah, pourquoi, alors, c'est pas grave. Il a pas une tête de collégien, quand même. Non. Il a au moins 2-3 poils sur le menton? Oui, quand même. Ben voilà. Très bon, ça va. Alors, tout va bien. Il va pas faire vieux à 18 ans non plus. Oui. Et toi, tu fais très vieille à 25. Non, bon, alors, tu vois, pas tant que ça, mais pas du tout même. Bon, bah très bien. T'es toute jeune encore. Bon, bah Bérangère, maintenant au moins tu sais, hein, profites-en, et puis bah si vous voyez que ça devient sérieux, bah à ce moment-là tu verras. Mais te prends pas la tête maintenant. D'accord, Bérangère. Merci. Bah, avec plaisir. Je vais faire une petite dédicace. Vas-y, profites-en. Ah oui, bien sûr. Une dédicace à Edouard, Laura et un gros bisou à mon homme que j'aime. Voilà. Très bien, bah, le message est passé. Je t'embrasse, Bérangère. Salut, Bérangère. À bientôt, bisous. Bérangère. Ciao. On aura Noémie dans quelques minutes. Bonsoir, Noémie. 17 ans de Nantes. Oui. Salut. Oui. Ça va, Noémie ? Ça va très bien. Bon, très bien. Noémie, on parle de quoi en deux mots dans quelques minutes ? Parce que j'écoutais avec mon ex samedi soir quand il y a pote et je voulais savoir si. Bah, les risques, quoi. Bon, bah, le doc va te répondre dans quelques minutes, Noémie. Ne bouge pas de là. Il y a Antoine également qui est avec nous. Bonsoir, Antoine, d'Annecy. Oui. Salut. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir, salut. Antoine. Bon, alors, Antoine, on parle de quoi dans quelques minutes ? Bah, moi, en fait, ma copine, elle aimerait bien que je sois un petit peu plus hard au lit, en fait. D'accord. Oh. Eh ben, écoute, très bien. Bah, t'as de la chance, Antoine. Ne bouge pas de là. On va revenir et puis dites-nous aussi si vous avez déjà fait des plans à plusieurs. Venez nous raconter. Appelez-nous 01 42 48 5000. Et puis à 22h13 sur Fun Radio, c'est Love in Fun. On est là jusqu'à 23h après Chauté qu'on revient. We like to party. Showtech sur Fun Radio. We like to party. Sont découvertes dans Party Fun. Love in Fun. Jusqu'à 23h, 01 42 48 5000. Posez toutes vos questions. Love in Fun sur Fun Radio. Yes. Bon, allez, c'est Love in Fun. On est là jusqu'à 23h. Karel est encore malade. J'ai donc pris la relève avec évidemment le doc, avec Karima. Et je serai aussi, bien sûr, en direct à partir de 23h dans Mickaël No Limite avec, et bien Toff, avec Polo, avec Sandro, évidemment, comme d'habitude, et avec tous les jeux, notamment le mercredi soir. Bon, en attendant, nous allons prendre Noémie dans quelques instants. Noémie. Salut. Oui. Tu t'es levé tôt ce matin ou pas ? Oh bah oui. Tu as écouté Bruno, bien entendu, évidemment. Oui, mais un petit peu, pas beaucoup. Combien de temps ? Une petite demi-heure. Faut écouter plus, Noémie. Demain matin, tu écouteras trois quarts d'heure. Tu te lèveras un peu plus tôt, hein, un quart d'heure en avance. Oui, t'as pas de problème. Ah bah oui, mais enfin, pour rigoler, il n'y a pas de sommeil pour rigoler, justement. Parce que regarde, t'as probablement raté ce qui s'est passé ce matin entre 6h et 9h. Alerte anti-relou sur Fun Radio. Bonjour Eliane, c'est Tati Gisèle qui te téléphone pour prendre de tes nouvelles. Et j'ai fait sur ton portable, ça n'a pas marché. Alors je viens prendre de tes nouvelles et te dire que si tu veux du Dalfagan, paracétamol, je peux te donner deux boîtes. Allez, je te fais des gros bisous, à bientôt, au revoir. Ah tu vois, je t'avais dit Noémie. C'est gentil, Noémie. Non, j'ai entendu, c'est gentil. Ah tu l'as entendu ? Bon, ça va alors. Donnez bon, je rappelle le numéro de téléphone de la ligne anti-relou. Exactement, à bien celui joué. Que j'ai donné à Karima tout à l'heure, 06 34 62 26 28. Oui, c'est une vieille grand-mère. Oui, exactement, et c'est une mamie quoi, voilà. Notez le numéro, ça aide des fois. Ah bah totalement, mais par contre, soyez retenez-le par cœur déjà et puis faites que ça soit naturel quand vous le donnez. Il y a un mec qui vient vous draguer dans la rue par exemple ou même en boîte, il vous donne votre numéro, vous dites "Ah, 06 34 62 26 28." Hop, et puis tranquille. Elle est en train de. Elle racontait à la dame le scandale de la Sécu, c'est-à-dire qu'elle a plein de médicaments qu'elle essaye de refourguer parce que ça, la Sécu paye plein de médicaments que les Français n'utilisent pas. Je trouve ça très drôle. Évidemment, évidemment. Bon, donc notez bien le numéro. Noémie, c'est noté ? Oui. Ouais. C'est noté. C'est quoi le numéro ? Noémie, t'en la joues ? 06 34 62 26 28. 62 26 28. Voilà, tu vois, là. Et ça, c'est pour Karima. Oui. Parce que tu as soufflé, c'est mal. Bon, Noémie, j'aime alors, ma pote. T'appelles de Nantes, toi, t'as 17 ans, et on parle de quoi ? En fait, j'ai couché avec mon ex, samedi, et on l'a fait sans capote, et j'ai peur, en fait, j'ai pas peur des IST ou quoi que ce soit, mais j'ai peur d'être enceinte, j'ai vraiment trop peur de ça. Ouais, mais tu sais que je vais juste démarrer avant le doc, après je vais plus rien dire, parce que sinon je vais m'énerver. Tu sais que c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver, ce dont t'as peur, là. Parce que être enceinte, c'est quand même vachement mieux que d'avoir une maladie. Et j'en ai une, hop, merde. Voilà. Maintenant, je te passe Bon, alors, dans les deux cas, mais Noémie, bon, je vais pas porter de jugement. Donc, tu savais pas que t'avais pas mis de capote. Est-ce que tu connais la pilule du lendemain ? Oui, je connais, mais j'ai vraiment pas fait. Mais tu sais pourquoi ça s'appelle pilule du lendemain ? Bah oui. Bon. Et là, on est mercredi et c'était samedi. Donc c'est ça y est, c'est fini. C'est combien de temps, Doc, la pilule d'avant ? C'est 3 jours, mais le maximum, c'est 85, 90, 95% au début, puis après, ça tombe jusqu'à 65% d'efficacité au troisième jour. Donc, évidemment, c'est ça, et c'est l'occasion, en plus, de démarrer dans la foulée une contraception régulière. Il faut absolument faire un test de grossesse rapidement, parce que là, pas tout de suite, évidemment, parce que c'est grossesse démarre, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Là. Tu ne peux rien faire tout de suite. Mais dès 15 jours, 3 semaines, tu fais un test de grossesse et tu regardes si tu as un retard de règles. Si tu as des règles normalement, il n'y a pas de raison, a priori, si elles sont normales. Ouais. D'accord. Et en plus, quand as-tu eu tes dernières règles? Bah, il y a 2 semaines. Ah, tu donnes le bâton pour être battu, là. Ah bah oui, tu vas être dans ta période d'ovulation, ah, oui, c'est bah, ça j'ai fait. Mais bah oui, j'ai compris. Dis-moi, et pourquoi t'as envie d'être enceinte avec lui ou quoi? Bah non, pas du tout. Franchement, pas du tout. J'ai 17 ans. Mais t'as 17 ans, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dis-moi un peu, c'est juste pour savoir, pour essayer de t'aider. Bah dans sa tête, je sais pas, mais ce qui va se passer bientôt, c'est ça. Samedi soir, on était en soirée, donc... Non, Noémie, attends. Samedi soir, c'est pas une excuse. Mais non, mais je sais, mais... Mais si, samedi soir, on... Alors, le samedi soir, on a le droit. Ah oui, le samedi soir, on a ni IST, ni on tombe enceinte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, Noémie? C'est pas parce que t'as super envie de ton mec, t'as envie de coucher avec lui et tout, que tu le fais. Il y a des risques. Ouais. Mais surtout, mettez des capotes, les filles aussi. Prenez-les, gars. Il y a des filles quoi. Ouais, mais c'est au mec d'avoir. Bah non, non, c'est parce pas au que mec, si... c'est les deux. Je suis d'accord avec Mickaël. Si t'en as envie, si vous en avez tous les deux envie, au moins s'il en a pas, bah toi tu dégaines derrière. Allez, moi aussi j'en ai. Noémie, tu étais très excitée, t'as pas pu céder ou il a pas voulu mettre de capote parce que lui aussi il est responsable. Tu savais qu'il mettait pas de capote. Mais oui, je le savais, mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que ça faisait plusieurs fois qu'il voulait faire ça, mais moi, je voulais pas. Et le truc, c'est que je suis amoureuse de lui, donc je finis toujours par lui céder tout. Donc, Noémie, tu es en train d'essayer de raccrocher au wagon, c'est ça qui va pas. Parce que dans ton acte, tu veux pas le dire, mais c'est pas une accusation, je te dis ça avec beaucoup de sympathie. Et je pense que quelquefois, un moment donné, une espèce d'éclair comme ça, qui avec que tu regrettes après, je dis, c'est pas possible, j'ai pas pu penser à ça. Mais quand même, il y a ce petit mécanisme. Je vais l'accrocher et effectivement une grossesse ça accroche, mais pas à ton âge effectivement et pas dans ces circonstances. Donc la seule chose que tu puisses faire de tout à fait concret et positif, c'est d'aller consulter le centre de planning familial dans 15 jours et de faire le point sur ta situation. T'es enceinte, t'es pas enceinte, d'accord? Mais si je suis enceinte, mais c'est la fin de ma vie. Non, par contre, ça peut être la fin de ta vie si t'as une maladie, ça oui. Qu'est-ce que tu envisages? Ah, mais l'avortement directement. Alors, à 17 ans, personne ne peut t'empêcher. Non, je le dis parce que c'est pas à moi de lui proposer. C'est la loi française. Je signale que personne ne peut dire à quelqu'un qu'il doit avorter. Non. Simplement... C'est un choix. C'est un choix. Et donc, le médecin que je suis ne va pas dire à une fille, il faut que tu avortes. Je ne me permettrai pas de dire ça. Je respecte son choix. Noémie, c'est très simple. Tu vas au centre de planning familial à 3 semaines. Ils font effectivement le test de grossesse. Et si tu es enceinte, eh bien, tu as plusieurs moyens. Mais ce sera relativement aisé d'interrompre cette grossesse. Ok? Oui, il y a juste un truc quand même, je voulais quand même relever le bordel, mais c'est-à-dire que le seul truc qui te perturbe, c'est d'avoir un moutard. C'est quand même exceptionnel. Ce qui est normal. Mais je trouve que c'est plutôt responsable. Non, mais je suis sûre que j'aurais pas digesté, il l'a jamais fait sans capote. Le mec qui t'a harcelé pour le faire sans capote. Je vais te dire un truc, ça je suis pas sûr, parce que tout le monde est porteur du papillomavirus, sauf que dans la population, 10% va développer une infection, dont certaines, effectivement, femmes vont développer, à partir de 25 ans, 30 ans, des cancers du col. Et on sait pas qui, donc faut pas forcément plein de relations pour ça. Bon, ça c'est une première chose. Mais je trouve que, bon, là-dessus, t'as pas fait gaffe, mais je te trouve assez responsable de t'inquiéter de cela. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de filles qui, effectivement, rêvent même peut-être d'aller au bout, je ne sais pas. Bon, en tout cas, oui, cette idée un peu folle de tomber enceinte, même si c'était l'histoire d'un éclair. Voilà. Oui. Ok, Noémie. Donc, faut pas que tu culpabilises. Ça peut, dans ta tête, c'est normal. Et tu vas au planning familial dans 15 jours, 3 semaines et tu fais le point. Ok. Voilà. Et les autres, sortez, mettez des capotes les maladies. Et puis c'est pas parce que vous connaissez le mec, imaginons que vous couchez avec votre meilleur ami. Ouais, mais il a l'air bien. Oui, mais c'est pas marqué sur sa tête qu'il a une maladie. Ça, c'est sûr, toutes les IST. Deuxième chose, t'as 17 ans, donc t'as une carte vitale. Ouais. Donc tu te sers de ta carte vitale, donc t'as pas besoin d'alerter tes parents. Et tes parents ne peuvent pas t'interdire d'interrompre la grossesse, je te le dis aussi. C'est pas eux de prendre la décision en toute. Est-ce que vu qu'elle a 17 ans, si ça lui est arrivé par exemple, est-ce qu'elle peut le faire sans qu'il soit au courant? Normalement. En cachette, entre normalement, guillemets. On peut, avec sa carte vitale, on peut normalement. Alors c'est un geste opératoire. Bon, l'histoire dit qu'il faudrait que les parents donnent l'autorisation, non pas pour l'avortement, mais pour le geste opératoire. Mais bon, ça reste hypothétique. En tout cas, c'est à voir avec les médecins et l'équipe qui va te suivre. Ok? Bon allez Noémie, on va quand même te filer un pack Loving Fun avec des capotes de chez iCapote.com, hein, ça pourra te servir. Ouais, cool. Bon. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y Noémie. Donc je passe une petite dédicace à la petite Julienne d'amour que j'aime fort. Très bien. Bon, ça c'est pour moi, ça me fait plaisir. Gros bisous Noémie. Allez, bon courage. Je fais ce que je te dis surtout. Hein. Ouais, je te confirme. N'attends pas 3 mois. Hein. Voilà. Oh oui. Merci beaucoup. Bon, allez, bisous Noémie. Salut Noémie, à bientôt. Bisous. Salut. Ciao. Il y a Antoine avec nous maintenant. Bonsoir Antoine. Oui, salut l'équipe. Salut. On va parler de quoi dans un instant, Antoine, avec toi? Oui, bah moi en fait, en gros c'est simple, pour le moment, bah ma copine elle aimerait bien que je sois un petit peu plus hardeux en fait. Ah oui, c'est donc, vrai. Parfait, voilà. On en parle dans quelques minutes. Restez avec nous, 01 42 48 5000. On va revenir, c'est Loving Fun. Jusqu'à 23h, on est au cœur du Nord sans pub. Et c'est le son de Martin Garrix qu'on écoute maintenant. C'est Wizard sur Fun. Martin Garrix sur Fun Radio, c'était Wizard. 01 42 48 5000. Loving Fun. Avec le doc, Mickaël et Karima. 20h, 23h. Radio. Et pendant que Karima est au bord du suicide, puisque Montpellier a mis le deuxième but face à Paris. Non mais j'hallucine. 2-1 pour Montpellier qui pour l'instant élimine le oui, Paris Saint-Germain en 16e de finale. Il reste 20 minutes, ça. C'est pas. Vrai. Oh, allez. Paris est voilà. Magique. Bon, allez, tous les Montpellierains pouvaient envoyer des messages évidemment de soutien à Karima, n'hésitez pas. Elle en a besoin là. On sera re-amis dans 20 minutes pour l'instant. Allez, voilà, ouais, séparation. Ça, c'est sûr. Bon, il y a Antoine avec nous maintenant. On parlera également des plans à plusieurs. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'essayer des plans à plusieurs? On en parle avant la fin de l'émission. Dites-nous si ça s'est bien passé, mal passé, vous avez kiffé, vous n'avez pas kiffé, ou si vous avez déjà demandé à votre copain ou votre copine et que en gros bah elle a refusé, elle a accepté. Bref. Comment ça s'est passé dans l'absolu? Et si vous voulez changer votre prénom, votre ville, votre âge, il n'y a aucun problème. Nous, c'est l'histoire qui nous intéresse. 01 42 48 5000. Antoine, t'as déjà essayé toi ou pas? Non, pas du tout. Non, mais ça m'intéresse pas trop en fait. Hein. Ça t'intéresse voilà, pas. Voilà, très bien. C'est, clair, ouais, non, ouais. C'est souvent la réponse qu'on entend. Ouais, mais moi aussi, ça m'intéresse pas, par exemple. Parce que ça n'intéresse pas, c'est clair. Non, ouais, voilà. Non, ça m'intéresse pas. Je préfère rester avec ma copine tranquille. Voilà. Et puis, c'est déjà non, tellement difficile de satisfaire une fille, alors ça en a deux. Je suis complètement d'accord avec toi, Mickaël. Bah, complètement. Déjà une, c'est compliqué, alors deux. T'imagines, puis après, forcément, t'as un peu de jalousie. Vous savez, mais oui, pourquoi tu t'occupes de l'autre? Oui, bah. Je peux pas être partout. Bah, c'est ça, tu veux faire comment? Elle est pas si grande. Voilà, oui, je te confirme. Donc bon, alors Antoine, de quoi on parle avec toi? Oui, bah, en fait, en gros, voilà, ouais. J'aimerais bien que au lit, en fait, bon, bah, je sois un petit peu plus hard, en fait, dans le sens où. Ça soit un petit peu plus bestial, en fait, en gros, hein. Elle veut quoi? Des mots, des gestes? Des petites claques? Non, non, plus non, de comment dire, je sais pas comment expliquer, non, pas ça du tout en fait, mais bon, ça sent un petit peu plus... Plus sauvage? Plus sauvage en fait, mais dans le sens où, voilà, je montre un petit peu plus les choses en fait, donc dans le sens où je la prends, ou voilà... Plus bonhomme, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais. Alors que moi, je préfère que ça reste plus dans la délicatesse, et la dans le sensuel, en fait. Donc, voilà. Ah, mais tu sais, les filles, on aime bien, des fois. Oui, mais elle un peu maltraitée. Elle assimile ton désir sexuel à la façon dont tu vas avec une certaine. Alors, c'est vrai que dans le rapport sexuel, il y a une forme de violence. Une violence dans le bon sens du terme, bien évidemment. Faut se faire violence. Donc, ce qu'elle te demande, c'est d'en rajouter. Mais bon, en même temps, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle a du plaisir? Parce que c'est la vraie question. Peut-être qu'elle en a pas, j'en sais pas. Je pense que si en fait, hein, parce que bon, c'est vrai que bon, toutes les fois où. Non, je pense pas que. Mais qu'est-ce qu'elle te demande parce que être plus hard, c'est soit d'être plus rapide, soit par des mots, soit, je sais pas, d'avoir des positions qu'elle imagine. C'est pas ça. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire ici. Ah, alors, Karima, nous sommes tout oui. Je pense qu'elle doit peut-être comprendre un peu. Tu sais quoi, Antoine, je comprends totalement. Alors, en fait, c'est hyper agréable et hyper. Quand on est hyper câlin, hyper tendre, hyper doux, quand il y a énormément d'amour et de sentiments qui passent quand on est en pleine relation, en plein rapport avec ton compagnon, c'est vraiment génial. Mais des fois, t'aimes bien que ça soit un petit peu plus sauvage. Ouais. Que moi, le gars... Je dis pas que j'ai jamais essayé, par contre, hein, je l'ai déjà fait, mais ouais. Pour moi, personnellement, c'est pas pareil. Je préfère que ça reste plus... Mais ça ne change rien, Antoine. Dans le fait que tu l'aimes et qu'elle t'aime, etc. C'est juste que le rapport est un petit peu. Alors je vais employer le mot plus dur, mais c'est pas non plus. Tu vas pas la taper, tu vas pas lui mettre un coup, tu vois. C'est juste, tu vois, la serrer un tout petit peu plus fort. Mais voilà, c'est ça que je me dis. J'arrête peut-être pas, enfin du moins sur le moment même. Peut-être que je m'en rends compte. J'ai peur de lui faire mal aussi ou de me dire bah voilà, peut-être ça peut le voilà. Bah après il faut lui faire mal quoi. Non, mais il faut pas lui mettre une patate non plus. Non, il faut hein, pas lui mettre une rouste. Imaginons je lui serre les hanches ou quoi que ce soit, j'ai peur que ça soit non plus trop excessif, tu vois, et que je fasse pas attention. Non, t'inquiète, il y a de la marche sur les hanches, tu vois, on n'est pas seul. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas lui faire mal. Et t'inquiète pas, si elle a mal, elle va te le dire, hein, elle est pas complètement débile. Hein. Alors Antoine. Ouais, Antoine. Mais bon voilà, faut pas que ça bloque non plus le truc en plein moment où on est en train de. Bon. Non mais tu vois, il y a plein de couples par exemple qui font la fameuse petite claque sur les fesses. On ne demande pas de faire hyper mal, tu mets juste une petite claque, voilà, comme ça. Ouais, ouais, il y a pas mal de couples qui le font. Et pourtant, il n'y a rien de violent, on ne tombe pas dans le sadomasochisme, etc. C'est une petite claque comme ça. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça me bloquerait, tu vois, parce que bah, je ne suis pas dans cet esprit-là non plus. Après, bon, je sais pas que... C'est normal, chacun vit ça à sa manière. Effectivement, le fantasme de l'un n'est pas le fantasme de l'autre, la fantaisie de l'un n'est pas la fantaisie de l'autre, et qu'il faut trouver une adéquation, c'est ça. Alors, ce qu'elle te demande, effectivement, elle n'est pas très précise, mais peut-être que tu es quand même là. Quand on t'entend, tu as peur de lui faire mal. Je ne pense pas que tu vas lui faire mal, parce que si elle te fait mal, si tu lui fais mal. De toute façon, si tu lui fais mal, elle va te le dire. Hein. Elle va te le dire, donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Ouais, après, en plus, à mon avis, je risque d'avoir les conséquences. Mais est-ce que tu as. Est-ce qu'il y a des arts martiaux, donc du coup. Oh, bah, voilà. Ça ne va pas aller très loin, tout ça. Non, mais bon, voilà, c'est peut-être ça, mais à certains moments, pourquoi pas. Accéder à ce qu'elle te demande. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus ça le plus gros problème. Le problème, c'est ce que vous partagez ensemble et la fantaisie dans la relation sexuelle, parce que c'est ça qu'elle voilà. Elle trouve que peut-être il y a un peu trop de routine et que donc elle te demande à sa manière de mettre un peu de fantaisie dans la relation sexuelle. En gros, tu l'as fait chier au lit, quoi. Donc, voilà. C'est ce que le doc essaie de t'expliquer de manière un peu diplomate. Ça, mais... Ouais, mais justement, que c'est. Et à toi d'inventer des situations nouvelles, des situations où tu la surprends, des situations, je ne sais pas, dans la cuisine ou sur la machine à laver, comme tu veux. Oui, regarde, surprends-la, tiens. Non, mais justement, ça. Dernièrement, c'est bon, je veux dire, on a fait des nouvelles. Enfin, on a fait certaines expériences. T'as fait quoi ? Oui, c'est nouveau. Bah, je vais faire un cunis. Ah, bah, c'est bien. Bah en plein air, on était dehors et puis bah bon bah voilà, on a fait l'amour et puis bon bah je veux dire c'est, ça devient plus excitant, mais après qu'est-ce qu'elle t'a dit de ça? On peut faire mieux, un peu mieux faire, tu sais. Est-ce que ça lui convient, est-ce que ça l'a procuré beaucoup d'excitation? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Si, exactement. Enfin, ça lui plaisait. Même, oui, voilà, tout à fait. Parce que dans le mot plus, il faut faire attention, il y a un peu de tout là-dedans. Ça veut dire une fantaisie peut-être, des choses différentes, des choses qui la font vibrer beaucoup plus, et qu'effectivement, par ta volonté, parce que dans la relation sexuelle, le fait de d'être en relation sexuelle, c'est qu'il faut que tu montres ton déterminisme. Et le fait que tu as vraiment envie. Si t'es mou comme une guimauve, c'est sûr qu'elle va comprendre. Non. Tu comprends? Et méfiez-vous aussi les filles, quand vous dites à votre mec d'être plus hard, il peut très vite se mettre dans un film de boule et faire un truc hyper violent, alors qu'en fait, vous voulez juste une petite claque sur les fesses ou un truc un peu moins... Moi, je pense que les filles, quand elles veulent quelque chose, faut qu'elles guident le garçon. Voilà, parce que les mecs sont cons. Non, il faut le savoir. Les mecs sont cons. Et si on leur met pas un mode d'emploi, voire un GPS, on ne sait pas faire. Exactement. Ou alors, on va directement trop loin et voilà. Donc moi, je dis ce que je veux. C'est bien, c'est bien ce qui est important, parce qu'au départ, il n'y a aucune raison que vous compreniez ce qui peut exciter le plus l'autre, et que donc il faut trouver un terrain d'entente en quelque sorte, et surtout faire marcher l'imagination autour de ce qu'elle te dit. Elle te demande quelque chose, mais s'il précise, tu vas pouvoir l'inventer. Si elle te demande Mais à partir de ce moment-là, moi je vais dire à partir de ce moment-là, tu vois, moi j'ai pas envie non plus d'arriver à un blocage. Blocage pourquoi ? Il n'y a pas de blocage. Pourquoi tu vas bloquer ? Je pense que tu vas kiffer. Ouais, non mais après justement peut-être pas spécialement, parce que je suis plus en mode comme je te disais câlin, plus sensualité quoi, en fait, pas que ça soit non plus trop brutal non plus. Ouais, mais si c'est tout le temps, si c'est tout le temps mon pied, entre guillemets quoi. Mais si c'est tout le temps sensuel, tu vas voir, elle va s'ennuyer à un moment donné. Ouais, mais c'est pas méchant, tu vois. Aussi, donc c'est pour ça que Inspire-toi des techniques orientales, notamment du tarot, des choses comme ça, où effectivement il y a un grand raffinement dans la relation sexuelle, parce que c'est ça qu'elle te demande, de varier et d'inventer des choses nouvelles. Et où tu verras que effectivement parfois c'est un petit peu appuyé, on va dire les choses comme ça. Avec voilà, tu fais l'amour avec cette musique. Voilà. Voilà. Là, t'es au top avec ça, elle va kiffer. Fais-lui une petite danse. C'est ça. Non, mais il y a Gaël qui dit par exemple sur le Facebook, attache-la au lit. Il y a rien de violent et c'est mignon. Oui, ouais, après tu te barres, tu vas regarder un match de foot. Non, ça c'est moi, ça. Ça c'est moi. Oui, mais c'est pas normal, Karima. Je suis en live sur la webcam, non. Ah, très bien. Alors, regarde, je te dis bonjour, là, regarde. Non, mais je vois. Très bien, alors. Non, mais voilà. Je me demandais, oui, tout à fait, moi aussi, voyez. Bon, voilà. Et t'as sois un petit peu plus sauvage et de temps en temps, balance entre le sensuel et un petit peu, voilà, un bonhomme, tu vois. Va la chercher. Ça rigole derrière, coucou, mademoiselle. Oui, non, parce que elle est là. La frangine. C'est bien. Par contre, mais là, j'ai la frangine avec une amie. C'est bien, mais j'en ai parlé d'ailleurs un petit peu. Ah, parfait, eux, comme c'est avec la frangine et la copine. Et comme ça, elles savent que t'es pas bon au lit, en fait. C'est ça, c'est pas mal. Parce que ce qui serait bien, tu vois, là, si t'appelles une autre fois, ce serait bien qu'elle soit là aussi. Pour qu'elle nous dise ce qu'elle souhaite vraiment. Non, en fait, elle écoute, mais elle a pas envie de décrocher. Je lui ai prévenu que, le message allait être passé via l'antenne, en fait, en gros. D'accord. Je crois qu'elle a entendu. Une petite dédicace à ma chérie. Et bah, mademoiselle, comment elle s'appelle? Aurélie, bon ben Aurélie, guide-le parce qu'il est con comme tous les mecs et puis voilà, il y a un moment, faut y aller quoi. Petit GPS intégré, babam, tu lui dis ce que tu veux, tu vas tourner à gauche, limer trois fois, sortez, revenez. Prends-moi comme ça, tire-moi les cheveux. T'imagines avec la voix du GPS, l'angoisse. Et par contre, elle vient de donner un truc là, Karima. Donc apparemment, elle aime bien se faire tirer les cheveux, non, a priori. Non, hein. Mais ça. Donc, la mère de Karima, si vous écoutez, donc non, elle dort, des. Là. Ah, quand il y a le match. Ah, il y a peut-être le. Ah, parce que maman aussi. Ah, on est de cette famille. Oh là là. Bon, parfait. Bon, Antoine, bah écoute, bonne bourre et puis amuse-toi bien avec madame et explique-lui. Bon, en tout cas, merci à vous. Et puis bon, bah, je vais essayer prendre en compte un petit peu ce que le doc a dit parce que bon c'est vrai qu'il n'y a pas ouais nous ils s'en foutent ouais, ouais, on t'a donné plein de trucs c'est pas grave avec ça t'as des pistes de tout le monde t'as plusieurs avis c'est très bien yes ça roule ouais. Bon, en tout cas merci à vous exactement gros bisous Antoine bon, amusez-vous bon en tout cas je passe une petite dédicace peu vas-y Antoine ouais bon bah voilà tous ceux qui m'écoutent et puis bah qui me reconnaîtront hein. Ça marche voilà. Ça roule, salut Antoine, à bientôt. Salut Antoine. Merci. Ciao. Il y aura Kevin également là, Kevin qui appelle de Paris. Bonsoir Kevin. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va, merci vous. Bon, oui, ça va bien. Tu suis un peu le match ou pas là? Non, du tout. Ah, très bien. Bah Paris perd hein, pour l'instant hein, c'est oui, bah oui. Pathétique. Bah c'est voilà. Il y a pas d'autre mot. Voilà. Bon, Karim, j'avais dit de Paris 2-1, vous savez, ça va être 2-1. Ah bah ça va être 2-1. De toute façon, Doc il fait tout pour que je sois pas contente. À chaque fois que Paris joue, il me dit qu'ils vont perdre. Alors, voilà, exactement. Et je gagne. Exact. Oui, non, en pas plus, tout le temps, attends. Sinon, on serait pas premier. Kevin, on parle de quoi? Bah écoutez, moi ma copine elle veut que je souffle dans la chatte, excusez-moi pour le mot. Souffler. À chaque fois qu'on a une relation sexuelle quoi. Souffler, mais pourquoi faire? C'est quoi ce jeu? Je connais pas. Je ne sais pas non plus. Il semblerait que ça l'excite et. Mais c'est quoi bon, c'est. Bah, chaque fois, c'est récurrent, quoi. C'est souffler genre fort comme quand tu gonfles un ballon? Ou c'est genre. Ah ouais. C'est marrant ça, ouais. Mais pourquoi faire? C'est quoi le kiff? Qu'est-ce qu'elle l'éprouve? Bah, elle est toute excitée, elle mouille plus, je sais pas. Quand tu souffles, comme dans un ballon, quoi. C'est-à-dire que t'as le ballon, tu souffles dedans. C'est ça, exactement. Ouais. Enfin, c'est improbable. Ça s'arrête pas là, j'espère. Ben, pour les prédits, c'est souvent ça, quoi. C'est récurrent. Et t'es pas essoufflé, ça va? Ben, si, un peu. J'ai moins la forme pour la suite, mais... Non, ouais. Ce qui me dérange, c'est que, voilà, j'ai pas tout le temps envie de souffler là-dedans. Ouais. Et, là-dedans, en plus, attends, ouais. L'air que tu mets, ça ressort. Ben, ouais, en soi, et surtout, quand je rentre de soirée, et que je suis un peu... En fait, voilà, il y a le flic qui te fait souffler dans le ballon et après. Il y a la meuf qui se fait souffler dans sa chatte, pourquoi pas après hein. Qu'est-ce que tu veux c'est... Mais tu lui as demandé ce qu'elle éprouvait réellement? Pas vraiment, je vois. Mais après, on peut pas l'appeler pour lui demander. Parce que il y a juste un truc quand même, c'est que là t'as l'air d'être un peu pas obligé, mais tu te sens un peu obligé de le faire. Il y a un moment, ça marche dans les deux sens. Après, ah le ouais. Doc dira si est d'accord ouais, ou pas. Mais il y a un moment, si toi t'as d'accord. pas envie de faire, tu fais pas. Si elle a pas envie de te sucer ou de faire n'importe quoi, elle doit pas le faire. Exactement. Et ça marche pas dans un sens. Et est-ce qu'elle a beaucoup de plaisir même quand tu fais pas ça? C'est ça qui compte. Parce qu'elle te demande ça à chaque fois. Mais c'est pour ça. À chaque fois, t'es obligé de souffler. Bon. Ouais, ça fait un an et demi que je suis avec elle et ça fait un an et demi que tu souffres quoi, t'as plus de respiration. Ah bah il y a un moment il est crevé, tu ouais. vois. Ce qui compte c'est la variété, alors toujours la même chose, ça finit par être un peu lassant. Elle demande pas autre chose? Non, c'est toujours ça. Toujours ça. Et puis quand j'ai pas trop envie, je lui fais comprendre, elle attrape ma tête pour la descendre en bas et je sais ce qu'on va faire. Ah ouais, c'est un peu mais ouais. Ça, c'est elle qui commande en fait. Ah ouais, en fait t'es soumis Kevin. Ouais, je suis un peu soumis. Ouais, voilà. Oui, elle a un orgasme uniquement comme ça? Mais non, c'est pour la mettre dans l'ambiance, quoi. Sinon, elle n'y arrive pas. Ah d'accord. Bah écoute, change de meuf. Bon, et après, t'es sûr que c'est soufflé ou c'est simplement une relation, lui embrasser le sexe? Il la gonfle. Non, je pense que c'est soufflé, quoi, parce que... Que soufflé? Que souffler. Que souffler, ouais. Ouais. Bon, écoute, je sais pas. En fait, il est avec un sextoy, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une poupée, tu dois la remplir par là. C'est non, ça, hey, sinon, tu prends le sèche-cheveux, hein, ça marche aussi. Et c'est une poupée gonflable, non? Pour souffler. Hein non, sinon, t'as des gonfleurs de ballon. Tu sais, les gonfleurs de ballon, tu pompes comme ça. Tu pompes comme ça. Bah tu pompes de haut en bas, mais ça dépend après ce que t'as comme machine. Hein. Le doc, à chaque fois que je me retourne, il fait le geste, je me retourne, il arrête. C'est dingue. Non mais écoute Kevin, comme je disais, après discute-en avec elle, mais si t'as plus envie de le faire ou si tu n'as pas envie de le faire, il ne faut pas le faire. C'est pas parce qu'elle a envie que tu dois le faire, ça marche dans les deux sens. Voilà. Peut-être qu'il serait bon de trouver d'autres choses qui l'excitent énormément, parce que c'est vrai que c'est dans ses fantasmes, c'est dans tout ça, c'est voilà. Et pourquoi ça? Bon, peut-être qu'un jour elle a trouvé beaucoup de plaisir comme ça, dont elle se souvient peut-être pas, et elle veut reproduire cette scène. Donc c'est le côté récurrent, toujours permanent, qui est un peu pénible. Il faudrait que ça varie un petit peu. Ouais. Donc tu lui dis que ok, mais il faudrait que ça varie un peu et que peut-être vous pourriez trouver d'autres voies de plaisir. Par exemple, tiens-nous au jus en tout cas, Kevin. Pardon ? Je dis tiens-nous au jus. Oui, bien sûr. Bon, ça marche. Gros allez, Kevin, salut à toi, à bientôt. Ciao. Et appelez-nous encore, hein, dernière ligne droite de Love in Fun avant que je débarque, mais avec l'autre équipe. Yep. À partir de 23h pour Mickaël No Limit, ce sera dans un petit quart d'heure d'ailleurs si vous voulez. Passez déjà dans l'émission 01 42 48 5000 et puis venez nous raconter également vos plans à plusieurs. Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que c'est votre délire? Est-ce que vous aimeriez bien mais vous savez pas comment demander? Eh bien on en parle. C'est la dernière ligne droite de Love in Fun avec le doc, avec Karima, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook. La page Love in Fun. 3, 2, 1, stop. Attention. À partir de maintenant, cette émission est réservée à un public averti. Oh, j'adore ça. Sur Fun Radio. Exactement, oui. Réservé à un public averti, 22h48, dans 12 minutes. Je débarque avec l'autre équipe, avec Toff, Polo et Sandro, où de toute façon, on s'est réservé un public averti, hein, jusqu'à 2h du mat. 01 42 48 5000, et ça y est, Paris est éliminé. Hein, Karima est déjà partie chez elle. Et bravo Montpellier, hein, voilà, 2-1. Ouais, le bravo, match qui faut vient être fair play. Juste de se terminer à l'instant, voilà. Bon, il y a Thibaut qui est avec nous pour parler des plans à plusieurs. Thibaut de Montargis, salut Thibaut. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Salut l'équipe. Ça va et toi? Bah écoute, salut, plutôt pas mal là. Ne pose pas la question à Karima parce qu'elle va très très mal là pour le coup. Je m'en doute. Très, très, très. Enfin moi je dis rien sur Paris parce que je suis pour Marseille. Ah ben voilà. Ah bah alors toi aussi t'es pas bien en ce moment. Bah, on va parler ensemble. Vous allez faire un match, ensemble, hein, entre perdants, c'est parfait. Bon, mais rassurez-vous, il y aura Lille Rousse Sainte en finale et on sera bien. Bon alors. Et c'est quoi ça le duck, il est en retard là? Il est là, t'inquiète. Et puis avec cette caméra de merde là, tu peux rien faire en fait. On est en direct sur Fun Radio. Radio.fr, tout le monde nous voit sur le live. Non mais je suis juste allé enregistrer un petit truc derrière. Voilà, c'est son nouveau single qui sortira la semaine prochaine. Bon Thibaut, alors toi t'as déjà fait des plans plusieurs? Ouais. Alors, explique. Bah en fin de compte j'étais en DJ Academy parce que je suis DJ et il s'est passé que j'ai rencontré une nana et je savais pas qu'elle avait une sœur jumelle. Et elle m'avait invité à dormir chez elle et en fin de compte ce qui s'est passé c'est que j'ai couché d'abord avec elle. Mais juste après, elle m'a dit comme quoi elle partait 5 minutes et en fin de compte, c'est sa sœur jumelle qui est revenue. Ah oui, et tu ne savais pas. Ouais. J'étais pas au courant. Oui, bien sûr, elles l'ont fait exprès, elles se sont amusées. Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est classique, ça fait partie aussi des fantasmes des jumeaux et peut-être des gens qui les entourent. Alors, il s'agit bien sûr de vraies jumelles, on est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais pas que c'est pas la même. Ah bah, c'est exactement ça, c'est le portrait craché de A à Z. Ça, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo sur internet, c'était un bébé qui était dans les bras de son père et le frère jumeau débarque. Et la tête du bébé, qui avait 18 mois... Oui, j'ai vu ça, oui. C'est extraordinaire parce qu'il s'est dit, c'est quoi ce délire là? Il est où mon père là? Pourquoi il a deux? Et là, je pense que c'est le fantasme des jumelles. Bon, voilà. Après, alors comment ça s'est passé après? Tu les as quittés ou tu l'as su comment? Bah, en fin de compte, j'ai appris ça parce qu'il y avait leur père juste à côté. Et il m'a dit, mais en fin de compte, elles t'ont arnaqué. Le père a dit ça, ah, il était rock'n'roll, le père, c'est bien. Ouais, bon, je sais pas si c'est bien qu'un père se mêle de la vie sexuelle de ses filles comme ça. Enfin, ça, c'est autre chose. C'est vrai que c'est différent. Attends, Thibaut, ne bouge pas, il y a Marine aussi qui est avec nous de Grenoble, 20 ans. Bonsoir Marine. Salut. Comment va? Ça va. Bon, t'as déjà fait un plan en plusieurs ou voulu un plan en plusieurs? Ouais, deux fois même. Ah, deux fois. Deux fois voulu ou deux fois essayé? Deux fois voulu. Très bien. Une fois essayé et l'autre fois voulu plutôt. D'accord. Alors vas-y, explique. Comment ça s'est passé, bien ou mal? Alors, la première fois, c'était un plan avec deux filles. Ouais. Parce que donc, je suis bi en fait. D'accord. Mm-hmm. Et du coup, c'était un peu entre copines comme ça. Et ça a dégénéré avec, soirée normale. Et la deuxième fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en boîte de nuit. Ça s'est passé il y a quoi, deux semaines de ça, un truc comme ça. Et j'étais avec ma meilleure amie et tout, et en boîte de nuit, on retrouve mon mec. Je sais pas, bon je pense qu'on avait un peu trop bu aussi, hein, faut dire ce qui est. Et puis on s'est retrouvé à danser un peu collé serré, etc. Enfin, un peu le truc du style quoi. Et puis du coup on s'est retrouvé dans la voiture après pour rentrer. Et franchement je saurais pas dire ce qui s'est vraiment passé. Ah oui, t'étais tellement bourrasse. Ouais. Non, j'étais pas bourrée non plus, mais bon c'est sous l'excitation en fait, j'ai carrément arraché un peu le t-shirt de ma copine qui était à côté. Et on a commencé à s'embrasser et ça y est, c'est parti. Un peu en live quoi. D'accord, ok, c'est bien, ça sympa la copine Marina, d'aller quoi. Il conduisait lui? Non, il était à côté. Ouais. Il était à côté, on venait de partir. Ouais. Et alors? Et du coup, voilà, au début on a commencé à faire un peu les préliminaires, donc j'ai commencé à embrasser ma copine, à sucer un peu mon mec. Ah oui, tout à la fois, d'accord. Ah ouais, putain, t'as l'air cool toi Marine, hein? Ouais. Elle est dans le partage. Mais dis-moi, t'en gardes quoi comme souvenir? Bah franchement, j'en garde que des bons souvenirs. Non, parce qu'après on a fini à l'hôtel quand même, on n'a pas pu rester dans la voiture. Ah bah oui, tant qu'à faire. Il fallait de la place quoi. Mais t'as raison. Ah bah oui, quitte à faire les choses, autant les faire bien. Donc ça reste une note positive. Ah ouais, bon, tellement que maintenant j'ai peur d'en devenir accro même. Franchement, carrément. Ah ouais, à ce point. Bon alors attends Marine, il y a Marie aussi qui est avec nous, 18 ans de Paris là, bonsoir Marie. Allô. Salut, bonsoir Marie, comment ça va? Super, et vous? Très bien Marie, alors ton plan à plusieurs, toi t'as déjà essayé? Oui, une fois c'était avec mon chéri et son cousin en fait. Avec le cousin? Ah bah en famille comme ça. En famille. Sympa. Ouais mais en fait, genre je t'explique. Genre toi, mon chéri voulait genre tu vois que, enfin le plan à deux ça lui suffisait pas, il voulait un plan à plusieurs. Ouais. Et comme juste avant qu'on sorte ensemble, bah son cousin m'avait chauffé et à un moment, à une soirée, on était tous les trois et on est revenus sur la discussion en fait, tu vois. Et du coup, après, on a commencé à faire les trucs. D'accord. À quel moment vous vous êtes retrouvés tous les trois? En fait, c'était une réunion de famille, donc il y avait toute la famille, les parents, les grands-parents. Ah bah il manque eux alors. Ah bah oui, c'est ça. Parce qu'il y a le cousin. Voilà, puis après, il y a le père qui est arrivé. Voilà. J'ai pu tester la différence, c'était cool. Non, dis-moi, ça s'est arrêté où? Comment? Ça s'est arrêté où dans la famille? Au cousin. Non, mais en fait, attendez. En fait, après, toute la famille, elle est partie. Il est resté que mon chéri, moi et mon cousin. Et c'est là, en fait, qu'on a commencé à parler. Et c'est là qu'après, qu'on a couché tous les trois. D'accord, ok. Mais tu t'en gardes un bon souvenir? Ouais, super. Franchement, c'était trop top. Tu m'étonnes. C'est qui le meilleur, le cousin ou le copain? Non, c'est mon chéri quand même. Ouais, Mito, t'as quand même une idée. Et t'es toujours avec lui? Oui. Ok. Et vous faites ça régulièrement ou c'était juste un délire ponctuel? Ah non, on a fait ça une fois, mais genre déjà là, quand on se réunit et tout, ouais, ça fait glauque. C'est un peu chaud. Donc tu m'étonnes. Attends Marie, reste avec nous, il y a Maxime également, 28 ans de Bordeaux là. Salut Maxime. Ouais, salut tout le monde. Ça va et toi Maxime? Ouais, ça peut aller, hein, bon. des fêtes de Bordeaux. Donc, ah bah oui, mais t'inquiète pas, Paris, Marseille, tout le monde a perdu. C'est pareil. Il reste Lille Roux, c'est un truc qu'on a jamais entendu. la vénère du foot qui arrive. Bon Maxime, t'as déjà essayé les plans plusieurs? Ouais. Non, ouais, mais Paris a perdu, je suis vénère. Vas-y Maxime. Ouais, j'ai déjà essayé, j'ai même eu un gros problème il y a 2-3 semaines de ça. T'étais précoce? Non, quand même pas. Mais c'était les 28 ans de ma copine un peu ex-actuelle. Et le problème, c'est que j'ai couché avec ses deux meilleures amies. Ah oui. Sachant qu'elle n'est pas au courant. Et le problème, c'est que maintenant, on continue à faire ça régulièrement. Et le problème, c'est que ma copine ne m'excite plus du tout, quoi. Ah oui, ça, c'est un problème, ouais. Il y a une chose, c'est que tu l'aimes plus, en fait. Bah ouais, je crois que c'est bien ça, ouais. Mais il faut être honnête avec elle, hein. Dis-lui. Après, t'es pas obligé de rentrer dans le détail non plus en disant à cause de quoi, mais dis-lui. Ouais, t'es pas obligé de raconter les détails pour la faire souffrir encore plus. Ouais. Mais bon, simplement, si tu ne l'aimes plus, il faut être honnête avec elle, il faut lui dire. Il faut lui dire des yeux dans les yeux et pas comme ça avec un petit SMS, tu vois. Ouais, je vois. C'est ça, tu lui envoies un petit message. Écoute, est-ce que je peux te voir? Non. Bisous. Pas, surtout pas ça, tu l'invites au restaurant et tu l'expliques gentiment. Voilà, t'essayes de faire ça, Maxime. Mais effectivement, laisse pas le truc comme ça. C'est clair, ça se fait pas par rapport à elle. C'est clair. Attends, Maxime, bouge pas. Il y a Ali aussi, 21 ans de Martigues. Salut, Ali. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors, les plans plusieurs. T'as déjà essayé, Ali? Ah ouais, franchement, c'est le top. Ah, c'était avec qui? C'est le top pour toi. Ah, même pour elle, moi je peux te dire Doc. Bien sûr, mais bah, c'est ce qu'on appelle la simulation, Ali. Des, hein. Des autres. Ah, bah, ouais. Après, si la simulation, t'as mis le papier pour elle ou t'as mis pour nous. Hein. Oui, bah t'as raison, mais c'est ça. Et t'as fait ça avec qui? Tu connaissais pas? Tu connais? Tu connaissais pas? Alors, avec mon frère, mon cousin. Ah, et... frère? Mais comment on fait ça avec en famille? Ah, c'est le top, franchement. En fait, mon frère et moi, on a qu'un an d'écart. Ouais. C'est comme si on était des collègues, on fait tout ensemble, on joue au foot ensemble, on dort ensemble. Et on baise ensemble, mais oui. Et on baise ensemble. Mais oui, c'est ça. Très bien. Écoute, pourquoi pas, mais si t'as kiffé, tant mieux. Attends, il y a aussi Sandy qui est avec nous de Reims là. Salut Sandy. Salut. Oh, Reims, c'est des cochonnes. Non, c'est la maison, on respecte. Bon, Sandy, alors, c'est quoi toi ton histoire? T'as déjà fait à plusieurs, c'était cool ou pas? Franchement, c'était trop cool, ouais. Bah, on l'a fait avec mon chéri et une copine en fait. D'accord, bon, ça va, bon esprit quoi. Tu vas recommencer ou pas? Bah, j'aimerais bien, mais c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un d'autre. Mais si, t'inquiète pas, oh là là, Sandy, enfin, attends, écoute. Attends, t'inquiète pas, ton copain, il va la trouver, l'autre personne. Mais oui, non, mais je t'envoie Mickaël, y'a pas de problème. Oui, bah voilà. Est-ce que ton copain veut une fille? Ah, tu préfères une fille. Ouais. Ah oui, voilà, c'est et ça. Et toi mais... aussi, tu préfères une fille ou t'aimerais bien un garçon, pour changer? Non, je préfère une fille aussi. D'accord, bah d'accord. Voilà, ils sont sur la même longueur d'onde, c'est exactement. Parfait. Bah merci Sandy, gros bisous. Y'a pas de soucis, bisous. Salut à vous, Ali, Maxime, Marie, Marine, Thibaut, merci à vous d'avoir été là. Et puis bah là, les 5 dernières minutes, je vais juste dire au revoir, parce que moi je vais passer dans le studio d'un côté, évidemment. Merci hein. Mickaël. Et avec plaisir, et puis les 5 dernières minutes, c'est maintenant. Merci. Vous avez 5 minutes pour tout dire. 01 42 48 5000. L'antenne de Love in Fun est à vous. C'est parti pour les 5 dernières minutes. Allô, qui est là? Ouais, c'est Franck. Salut Franck, tu t'appelles pourquoi? J'appelle pour faire une dédicace à Léo et à tout l'internat de Soissons et dire à Céline que je l'aime. Bah voilà, c'est fait Franck, merci beaucoup. Salut Franck. Merci à vous. Bisous, à bientôt. À bientôt. Allô, qui est là? Ça continue les 5 dernières minutes sur Fun Radio dans la Vin Fun. C'est Jérôme. Salut Jérôme, tu appelles d'où? De là, bah en fait je suis de Paris, mais là j'appelle de Enghien-les-Bains. D'accord, ok. Tu veux dire quoi d'Enghien-les-Bains? Ben, c'était pour savoir s'il y avait une petite chance avec toi, vu que je suis célibataire et que toi aussi. Ah oui, bah bien sûr, oui, pas de problème, donne ton téléphone. Tu attends, sais quoi, attends, on va te donner, se rappelle demain. Je vais te donner son numéro, c'est le... Ah, d'accord. Non, je sais pas quoi dire. Si, le numéro. Non, 01 42 48 5000, on se rappelle non, demain, non, d'accord. Un autre numéro, je vais t'en donner un non, autre. Non, c'est attends, très mignon, c'est très mignon, mais je suis pas problème, si célibataire pas que ça, en fait. Ouais, ouais. Tu veux le numéro de Karima? Oui, oui, vas-y. 06 34 62 26 28. 06 34 62 26 28. Ça se fait pas, Cassie. 62 26 28. Ok, attends, je vais bien renoter. 06 34 62 26 28. 06 34 62 26 28. Garde-le bien. Moi je te fais des bisous, Cassim. Ça se fait pas. Elle est très occupée, elle ne répond pas, tu rappelles à nouveau. Ça marche, je rappelle demain au cas où. À demain, on continue, on prend le dernier pour les 5 dernières minutes. Gros bisous. Une dernière personne pour les 5 dernières minutes. Allô, qui est là? Oui, allô, c'est Mohamed et je voulais faire une dédicace à tout mon collège de Nidola. Ok. Et que c'était mon anniversaire. Bon anniversaire, Mohamed. T'es dans quelle ville qu'ils se reconnaissent? Sur Rennes. Bah, gros bisous et bon anniversaire, Mohamed. Bon anniversaire. Bisous, merci. Salut. À tous de nous avoir suivis. On avait Mickaël avec nous ce soir. Merci, Doc, pour là, cette soirée. Oui. Mickaël est là. Mickaël est là, mais j'étais en train de te l'expliquer. Ton micro est ouvert. Juste pour rappeler que demain, Karel, normalement, sera de retour. Il m'a laissé un message. Et nous infectera tous. Donc, normalement, lundi, c'est le Doc ou moi qui seront absents. Moi, je suis. Ah, mais je savais pas ça. Je suis invincible. Tu devras venir me remplacer, Mickaël. Non, je plaisante. Merci pour ces deux jours, Mickaël. Merci d'être venu avec nous. Merci. Écoute, si ça se trouve, on se retrouve demain. C'est probable, mais au cas où, je préfère te remercier. On est notre équipe. C'est gentil, merci à vous en tout cas. Love in Fun embrasse Mickaël, nos limites, et on vous laisse. Voilà. C'est à vous jusqu'à 2h maintenant. Eh ben écoute, c'est parti jusqu'à 2h. Et nous on se retrouve demain à partir de 20h pour Love in Fun. Exactement, salut à vous. Et à demain, ouais, je repasse demain 20h, vous inquiétez pas. Bisous, ciao. Ciao. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio.